Hey, salut tout le monde, ici Sébastien Bouchard au micro et bienvenue au Fun Regarder Film Show Podcast, whatever, on y trouvera un nom un jour. Et c'est le show de la deuxième semaine des 31 jours d'horreur. Et encore une fois, je suis entouré d'une équipe fantomatique. Si ça peut être un mot, on se fera corriger peut-être. J'ai nommé Steven et son beau t-shirt de Pet Sematary. Salut Steven. Bon, Steven a un rhume cette semaine, il ne parlera pas beaucoup, mais en tout cas, on va voir ce qu'il peut faire. Hey! J'ai aussi Jean-François Tremblay avec nous. Jean-François, tout encore avec le beau t-shirt. Oui. T'as un beau t-shirt, gardez ça le fun. Oui. Salut! En forme? Pas pire, pas pire. J'ai un petit garçon qui me tient réveillé durant le jour et le soir. En tout cas, qui déplace beaucoup d'air dans ma maison. C'est ça. Mm-hmm. Oui, j'ai rien vu. Comme on dit un peu en avant. Tout ce que t'as rien vu. Tout ce que t'as vu, c'est le bordel qu'il laisse derrière lui. C'est ça qu'on ramasse à mesure. Ouais, c'est sûr que t'as pas des poltergeists chez vous parce que ça fout le bordel, ça avec. J'ai dit ça comme ça. Je me souviens, j'avais déjà. On cherchait la télécommande de la télé, puis j'avais trouvé dans le bac de récupération. Ça, c'est. Là, tu fais comme. Ah, oh, une chose qu'on l'a vu. Ah, mais bon, là, c'est la joie des enfants. Eh oui. Hey, c'était les 31 jours d'horreur, deuxième semaine, et j'ai entendu dire entre les branches que vous avez été très, très assidus à notre liste, les amis. Ben, voyons. Les branches montent-elles? Je crois que oui. Elles sont brisées. Ce sont des foutues branches d'automne. Elles sont en train de mourir. Ça elles diraient pour... tout. Elles diraient tout pour survivre. On parle-tu de même tout le long? C'est hot, hein? Je sais pas. Je sais pas, mon. Bon. Non, ben c'est ça. De ce que j'ai compris, j'ai été un peu le seul à suivre notre liste, même que je l'ai pas très, très suivi. Mais regarde, c'est pas grave. Ah, le but, c'était quand même d'écouter un film d'horreur par soir. Et moi et Steven, on l'a fait. Puis Jeff, t'as une excuse, c'est correct. Ah, j'ai essayé. Mais de toute façon, Jeff, je sais que tu connais... Ah, qu'est-ce que t'as dit? Ben, je sais que de toute façon, tu connais les gens qui sont sur la liste. Alors, tu seras capable d'être un très bon orateur. Je fais pas partie du show pour rien. Là. J'ai quelques connaissances. Non, bon, il a ouvert une page IMDb de chacun des réalisateurs, puis fait comme oui. Go est mon ami. Wes Craven, non, je l'aime bien. Ouais, je l'ai beaucoup aimé dans Rocky. Oh. Je l'aime bien, mon ami, là, mais mon ami cette semaine qui me disait que ses films préférés de Wes Craven étaient Freddy 3, 4 et Freddy versus Jason, je sais comme. Mais il dit, ben j'ai googlé son nom, je sais comme, ouais, mais c'est parce qu'il y en a des fois que c'est le producteur et mon réalisateur. Ben hey! J'aimerais ça qu'on commence le show, mais vous savez maintenant, au début de show, on prend tout le temps un temps pour se recueillir. Et c'était l'action de grâce la semaine passée, puis on a oublié de rendre les grâces. Et c'est très important de remercier ceux qui mettent le pain sur la table. J'ai nommé nos généreux Patreons. Thématique, la scène. Hein, c'est débile, hein? Tu vois, je travaille mon animation. Ça coule à flot. De mieux en mieux. Hein? Ça coule à flot ce soir. C'est débile. Pourtant, j'ai même pas bu. C'est peut-être les entrevues à radio qui donnent ça. Là. Je suis tellement rendu volubile. Mais. Donc c'est ça, on prend le temps de remercier nos généreux Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines, qui ont fait en sorte que cette semaine, ben j'ai pu envoyer des prix à des gens et que ça me coûte pas de sous, puis qu'on a pu aussi payer, renouveler l'hébergement du site et plein de choses comme ça. Et donc j'ai nommé entre autres, parce que bon, ils sont nos Patreons super ultimes, suprêmes, et j'ai nommé... Patrick Perron et la charmante Véronique qui est toujours avec nous. Salut Véro. Et ouais, vous pouvez aller les visiter sur leur site. Patrick, c'est VI2XP qui est un photographe et Véronique, ben, c'est les douces folies de Nikki, vous la connaissez. Et, donc, c'est ça. Si vous voulez encourager, tout comme nos amis Patreon, mais vous vous dites, ben non, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux faire pour les encourager? Ben, vous pouvez toujours aller nous mettre des beaux petits commentaires et 5 étoiles sur iTunes et on va se faire un plaisir de les lire dans le show toutes les semaines. On n'en a pas eu de nouveau cette semaine, alors je ne lirai rien. Alors, je n'ai rien lu. Sinon, ben, il y a toujours notre lien Amazon. Alors, quand vous décidez de faire vos petites emplettes sur Amazon, vous pouvez toujours passer par notre lien Amazon pour les faire. Ça ne vous coûte rien de plus. Ça enlève de l'argent Amazon et ça s'en va dans nos... J'allais dire dans nos poches, mais non, ça s'en va à nous sous forme de certificats cadeaux. Et on utilise ces beaux certificats cadeaux-là pour vous faire des petits tirages, le fun. On a très hâte que... Puis c'est drôle, Amazon m'a comme envoyé un courriel cette semaine, voilà 2 semaines, qui me disait, ben, vos liens Amazon n'ont pas rapporté beaucoup d'argent ces derniers temps. Et qu'est-ce qui se passe? Puis je comme, regarde, je bafouillais, puis je ne savais pas. Puis, il te met de la pression. Amazon hein, me cool. chicanait. Amazon me chicanait. Hey, what the fuck? Fun de regarder les femmes, on veut le cash. C'est ça qu'ils nous ont dit. J'étais comme, voir que nos fans, ils n'achètent rien sur Amazon. En tout cas. Ça, rendu là, c'est à vous les oreilles, comme dirait ma mère. Le pire, c'est que je commande souvent, mais j'oublie de cliquer sur le maudit lien. Regarde, en plus, tu nous générerais un prix à tous les 2 semaines. Ouais. Donc, ben, écoutez, vous pouvez juste aller acheter un beau t-shirt ou quelque chose comme ça, et faire comme la charmante Cynthia qui a acheté son t-shirt et qui l'a porté au travail cette semaine et qui a fait de la pub pour nous, puis que je suis sûr que tout le monde lui disait, mais t'as un t-shirt absolument génial! Et ben, sinon, c'est ça. Parlez-en à vos amis, partagez et propagez la bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous voulez, tous les gens en ligne présentement, c'est allez-y, partagez! On veut plus de monde en ligne possible qui nous écoute. Et ben, sur ça, les amis, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Ou on commence le show? On commence le show. Ouais. Allons-y! Alors, premier réalisateur de la semaine. Hey, ben, hey. Ouais. Excuse-moi, tu voulais commencer le show en parlant de Pet Sematary, puis toi, tu veux commencer des réalisateurs, le décide, man. Crache pas ta gorgée. C'est vrai. Je t'avais dit, on va parler de trailer de Pet Sematary. Jean-François, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ouais, Steven, toi, t'as pas voulu le voir parce que tu voulais te garder la surprise. Ouais, j'écoute plus de trailer, moi, c'est pas compliqué. Mais en même temps, écoute, là-dessus, moi, je dirais, c'est pas une histoire originale que le trailer va tout te vendre l'histoire que tu connais pas, tu sais. Je veux dire, t'as connais déjà l'histoire. Ah. C'est pas tant en termes d'histoire, plus en termes de ficelles et de moments d'horreur clés qui vont être dévoilés. Exemple, tu sais, l'histoire de Halloween, je la connais, je sais à peu près où c'est que ça va s'en aller, mais j'avais pas envie de voir la séquence du garde-robe qu'on voit dans la bande-annonce. Fait que ça me fait chier. Fait que tu sais, c'est encore plus pour ça. C'est plus comme pour les moments clés des films, souvent que les trailers nous balancent pour être certain que le monde fasse « Hey, je vais aller le voir, t'as-tu vu la scène fétiche du film? » Puis finalement, ouais, t'as vu le meilleur, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, ben écoute, honnêtement, le trailer, c'est un first look, là. C'est vraiment ce genre de trailer-là. Teaser et, style. Ouais, teaser. Puis, évidemment, parce qu'on connaît l'histoire, on est quand même capable de faire un lien sur la plupart des images. Clairement, le film a ajouté certains éléments dont on ne te parlera pas, Steven, mais non, ben, j'ai entendu. Les masques. Ouais, ben les enfants avec des masques. Puis, tu sais, je voyais ça des gens comme. C'est qui ces enfants-là? Pourquoi ils portent des masques? Tout dans ma tête, moi, je me suis juste dit, ben, une séquence de rêve, c'est tout. Ben, de ce que je comprends, c'est que c'est les enfants qui vont enterrer les animaux et ils portent des masques d'animaux. Ah, mais comme les masques d'animaux, depuis Your Next, c'est à mode, ben, c'est cool de mettre ça dans un film d'horreur. Mais non, c'est ça, tu sais, je n'y ai vu que une excuse à faire un élément horrifique de plus. Mais t'as dit de quoi, Seb? On a notre fameuse phrase Sometimes death is better. Better. Mais t'as dit de quoi dans notre conversation en privé sur Messenger à nous trois? Puis j'ai eu le même petit feeling en voyant le trailer. C'est comme, j'ai-tu vraiment envie aujourd'hui de me faire raconter l'histoire du petit gars qui se fait frapper par la vanne? C'est ça. Oui! Ah, je sais pas! Oui, t'as envie de pleurer durant ces moments-là. Il y a ça, il y a ça. Je sais que c'est ça qui va se passer. C'est qu'en tant que papa, je vais écouter ça et je vais faire comme, oh my god. Ouais, puis mais... ben là, on débattait. Bon, en tout cas, jamais je croirais que vous connaissez pas Pet Sematary, mais si vous connaissez pas, on vous résume l'histoire. Il y a un cimetière d'animaux, mais au-delà de ce cimetière, il y a un autre cimetière indien. Si tu y enterres quelqu'un, il va revenir après un certain temps. Il va revenir un peu détraqué. Et ben le père au début il perd le chat de la famille se fait frapper, il va l'enterrer là, c'est cool, le chat revient, c'est un peu bizarre mais c'est pas grave. Puis un jour c'est son fils qui se fait frapper, puis ben là c'est va-t-il enterrer son fils ou non? Évidemment il décide de le faire et shit hits the fan, mais le fan Mauvaise idée. plein de merde. Et ce n'est qu'une spirale vers la folie et tout ça. Et ben c'est ça, puis on avait notre débat sur Messenger en privé, puis on vous le pose la question. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous l'enterreriez, votre fils, vous? Tout de suite, tu disais, ben là, voyons donc, on s'en fait tellement dire que c'est pas bon, puis qu'il faut pas, puis il faut pas. Et c'est pas un cimetière qui va faire de quoi de sain. Pourquoi j'irais l'enterrer? Ben c'est ça, tu sais, quand tu te fais raconter par un gars qui a vécu pendant des années à côté du cimetière, qu'il a vu des gens qui l'ont fait, le fils, les histoires horribles du fils qui revenait à la vie, qui mangeait des gens, ces choses-là, puis je suis comme, non seulement je vais devoir voir mon fils sur un autre angle, mais je vais devoir le retuer à nouveau, alors que c'est pas moi qui l'ai tué en premier, Ben, mais c'est tu sais, je ça, veux ouais. dire... Mais d'un autre côté, le gars, le personnage principal du père, il, dans une situation comme ça, il réfléchit pas de manière rationnelle. T'sais, Non, c'est c'est sûr. Là, émotif. ce qu'il Puis, veut, c'est revoir son fils. je sais pas comment est-ce que John Lithgow le rend, j'ai confiance en cet acteur-là, mais le personnage, il est supposé. Ben, je me rappelle pas du roman, je l'ai déjà lu, mais je me rappelle pas, ça fait très très longtemps. Mais le personnage du voisin, il est supposé être sympathique, t'sais, un petit peu bizarre, un petit peu mystérieux, mais il est supposé être quand même. Comme un genre de second père, peut-être, pour le personnage Ouais. principal, tu sais, un genre de figure paternelle qui le rassure, qui le, je sais pas trop quoi, qui le, tu sais, je sais pas trop comment le dire, mais qui le Le vieux sage, moi je vieux le sage. sermonne, tu sais, c'est pas mal ça qu'il fait aussi, là. Ouais. Le sermonner. Mais ça, en même temps, c'est Tu ça, vois. le vieux, il avait juste à pas y montrer le cimetière, c'est lui qui a mis Ouais, cette image dans la tête, là. écoute, mais il y a ça aussi dans le livre, là. Puis c'est ça, on disait que dans le film, ça transparaissait pas tant que ça. Mais dans l'original, je sais pas si dans le nouveau, ils vont le montrer un peu. Mais dans le livre, ce que Stephen King essaie de montrer, c'est que le cimetière veut des corps. Puis le vieux dit, j'aurais jamais dû te raconter ça, puis j'ai l'impression que c'est le cimetière qui a fait en sorte que je te l'ai raconté. Peut-être, ouais. Puis il dit c'est le cimetière qui a fait en sorte que ton fils meure. En tout cas, Oh. Jess, excuse, je dis Jesse. Jess Anctil sur le chat, il dit, j'ai écouté Pet Sematary pour la première fois ce mois-ci. Ah, c'est débile de se dire que tu vois ce film-là pour la première fois. Il dit, comme je suis un jeune père, ça m'a brisé le cœur. God, sûrement, sûrement. Claude Poirier, il dit, le 2 est meilleur. J'ai aucun souvenir du 2, Avec à Eddie part la Furlong. scène du chien, ouais, avec Edward Furlong, ouais. Le 2, si tu prends pour qu'est-ce que c'est le fun. C'est pas mal du sang en gros. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en tout cas, tout le côté malsain, moralement et tout ça, puis je leur dis, là, parce que c'est un terme qu'ils utilisent dans le livre, puis c'est le terme que j'utilise tout le temps pour en parler, là, mais c'est la spirale qui descend vers l'enfer, vers la folie, puis tu pourras jamais t'en sortir au fur et à mesure que tu commets des gestes qui aggravent ta situation, tu vas juste continuer en faire des choses qui vont aggraver, qui vont aggraver, qui vont aggraver. Tu peux juste pas t'en sortir. Pascal Gob qui dit John Lithgow va reprendre son rôle de l'esprit de Caïn dans ce film. J'espère pas. Tabarnak! Hey, ça, c'est un des films que je me souviens avoir vu ça. Puis il y avait une scène de caméra de Mon père. surveillance Oh qui non. m'avait fait. Qui m'avait donné la chienne. Mais si on a des fans de Pet Sematary qui sont impatients de voir le remake, vous pouvez toujours en attendant voir Wakewood, qui est un des premiers films qui ramenait la Hammer. C'était une des premières productions. Puis c'est un rip-off de Pet Sematary avec des parents que leurs petites filles vont mourir puis vont l'enterrer, mais dans une espèce de rituel de secte. Puis évidemment, elle va revenir puis sous forme démoniaque. La seule différence, c'est que dans celui-là, on a des meurtres qui semblent sortir d'un film de Fulci. C'est extrêmement gore. C'est pas un film parfait, mais ça peut peut-être vous divertir le temps d'attendre le remake de Pet Sematary. Ça reste sympathique. Cool. Hey, est-ce qu'on se commence ça, cette Oui! première. Il y a sur Twitch, il y a AVK78 qui dit Caribou. Alors, Caribou à toi aussi. Écoute, tu sais, on laisse personne de côté. On disait Sam Raimi. Est-ce ça, Sam Raimi? Le premier Oui. de la liste, Sam Raimi. Moi, j'ai revu, et ça faisait longtemps, puis je pense que je l'avais vu juste une fois, c'est ça que je me suis rendu compte. Army of Darkness. Fait que nice. J'avais seulement des bribes. Je me souvenais de des mini... des mini-haches. Des mini-haches. Je me souvenais de la scène dans le puits. Je me souvenais de la finale avec le gun dans le centre d'achat. Les trois livres, c'est sûr. Non, j'avais totalement oublié cette séquence-là. Et j'avais tout oublié, la bataille de la fin. J'avais tout oublié ça. Et ça, bon, ben, regarde, on résume, là. Ça reste que c'est Evil Dead 3. Ash est rendu dans le passé. Puis pour retourner à notre époque, il doit retrouver le Necronomicon pour une gang de monde. Puis ça va leur permettre à eux autres de se débarrasser des genres de démons qui commencent à les attaquer. Et Ash est en mode full Ash là, dans celui-là. Là. Ben, il est en mode très... je me moi, là, très, très nombriliste, très selfish. Oui. C'est son pire. Là. Même que dans la série, il n'est pas si pire que ça, je pense. Je pense que dans le film-là, il est vraiment... Dans la série, pas si pire que ça, je trouve qu'on est du même calibre. Il fait vieux mononcle cochon, il fait vieux mononcle débile, là, mais dans ce film-là, il est vraiment, je veux rien savoir du reste du monde. C'est juste moi, mes besoins, mes désirs. Surtout qu'elle a fait, elle a fait une petite couverture pour lui, puis comment parfait, ça va servir pour chevaux, pour des chevaux. Puis il galanche. Super sexiste au bout, tu sais, bien en tout cas. Ah non, c'est débile. C'est drôle, c'est qui est drôle. Toute la passe après le moulin avant, ben, dans le moulin avant, puis tout ce qui suit après, c'est tellement slapstick là, avec le cimetière aussi, les squelettes, les mains de squelettes qui l'attaquent, puis tout, c'est tellement. Oh god, il est couché à terre, puis les mains qui là. Sortent du sol, puis il essaie d'y mettre des doigts dans les yeux, dans les oreilles, dans la gueule. Ça fait trois semaines. C'est fou, hein, mais tu sais, même si c'est un film qui se déroule dans le passé, puis on perd la cabane, puis que les gens seraient déçus de ne pas avoir ça, mais. Sam Raimi trouve un moyen de faire pareil le Evil Dead dans une cabane, dans le moulin. Tu sais, c'est un 15 minutes ou que c'est Ash dans la cabane. Ouais. Ça, là, c'est littéralement ça. Ouais. Puis, God. Je me souvenais que c'était drôle, là, mais je me souvenais pas à quel point que ça l'était. Les one-liners qui n'arrêtent jamais. Chaque phrase est un one-liner. Oh, God. Give me some sugar, baby. Oh, God. This is my boomstick. Plateau, Verata. c'est ça que j'allais dire, les trois mots, tu sais. Ouais, je sais, les trois mots. C'est quoi déjà? J'ai dit les trois mots, là. En tout cas, ça y ressemblait. Là. C'est pas totalement parfait. À la fin aussi, la fin, même après. Mais t'as cette fameuse. La finale alternative. La finale qui a été rejoutée. Par les studios, c'est comme, ben pas par les studios, mais qui ont demandé à Rémi d'en faire une pour être certain qu'il n'y ait jamais de suite parce que le studio a détesté le film. Et 100 fois meilleur, je trouve, que la version au départ de Rémi, tu sais, celle dans la caverne, puis tout ça. Je trouve dans le magasin, c'est comme, c'est trop badass, là, avec les one-liners, le démon, tu sais, j'adore cette fin-là. C'était la fin originale que j'avais vue quand j'étais, la première fois que j'avais vu le film, genre à super écran. La fin dans le magasin, c'était elle. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est juste qu'à un moment donné, il est sorti le DVD avec la director Scott. Là. Ouais. Puis j'étais un petit peu déçu. J'étais comment? C'est quoi tu dis par rapport à cette nouvelle finale-là, à cette finale-là où finalement il a trop bu de gouttes puis il est rendu trop loin dans le futur? Ouais, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, dans le fond, la première fin originale, c'est que Ash avait son petit sac de gouttes puis là, le gars, il faut que tu prennes trois gouttes avec les trois paroles puis tu vas te réveiller dans ton époque. Puis là, Ash s'enferme dans une caverne puis il fait ça, mais malheureusement, Il entend un bruit, puis il oublie où ce qui est rendu. Ouais, c'est ça, il oublie où ce qui est rendu, puis il fait mal. Puis là, ça se passe comme des années, puis des années là, plus tard. Puis il est rendu dans un monde comme post-apocalyptique. Puis c'est un peu la finale de la saison 3, dans le fond. C'est ce qu'on n'a pas eu avec les films. Puis les studios ont tellement détesté le film qu'ils ont fait « Non, non, non, non, non. T'as refait une fin où ça finit joyeux, puis il n'y aura jamais de suite. » Ah ouais, OK. Genre, faut que Ash aille tout régler, puis bonsoir. Merci, bonsoir. Ah ouais. Eh ben, c'est drôle. Vous autres, Sam Raimi, vous êtes fan? Oui. Fan fini. Moi aussi, fan fini. Toi, Steven, combien de copies d'Evil Dead 1 t'as, là? J'en ai des tonnes. J'ai encore les formats de livres Necronomicon, des éditions spéciales qu'il y avait eu à l'époque. Puis c'est plate parce que la plupart des gens qui l'ont, il y avait un défaut dans la fabrication. Fait que ton livre se dégradait puis ça faisait des fissures. Moi, il était en parfait état. Je l'ai laissé dans une espèce de plastique. Fait que ah ouais. Ça, c'est génial. Mais moi, c'est parce que Encore aujourd'hui, Evil Dead 1 reste mon film d'horreur favori. T'sais, je sais que ça peut être discutable pour plusieurs parce que c'est un film que ses défauts, tout ça, mais c'est que c'est un film qui a déclenché mon amour pour le cinéma. Mais c'est surtout que moi, ce que j'aime le plus dans le cinéma d'horreur, c'est voir des films qui sont restreints qu'un budget, mais de voir l'inventivité des réalisateurs, puis comment ils vont se débrouiller avec ça. Puis ce que j'aime le plus dans le cinéma d'horreur, c'est les films d'ambiance. Puis Evil Dead 1, pour moi, reste une référence en ça. La brume, la cabane. T'as vraiment un côté vraiment creepy puis crasse là-dedans qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres films. Puis pas non plus dans le deuxième. J'aime beaucoup le deuxième, puis globalement, les gens préfèrent le deuxième, mais moi, j'ai une préférence pour le côté plus horreur. Puis tu sais, il y en a qui disent que le premier, ah oui, il est vraiment drôle, tout ça. Puis je suis comme, fuck, je trouve pas. Moi, une fille qui se fait violer par des branches d'arbres, je trouve pas ça si drôle. Non, c'est drôle. Non, ça me. J'ai pas le goût de me taper ses cuisses. Puis le troisième, l'armée des ténèbres, c'est un que j'ai vu le plus quand j'étais jeune. Puis pour moi, je le considère aujourd'hui. Tu sais, oui, c'est différent des deux premiers, mais je veux dire, fuck, c'est un film d'aventure épique. Quand tu le prends pour ce que c'est, le film n'arrête jamais. C'est un rip d'enfer où ça enchaîne des scènes. Des 7 pistes de malades, une après l'autre. Là. C'est vraiment de la bombe en termes de divertissement. Là. C'est quoi vous diriez que... peut-être que je te lance la balle, Jeff. C'est quoi vous diriez que c'est la couleur, Sam Raimi, au cinéma? La couleur? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que t'écoutes? C'est quoi? Sa mise en scène dynamique, ses cadrages que t'en retrouves nulle part ailleurs. Merci, Jeff. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, je vais dire qu'un peu comme. Je vais revenir sur ce que Steven disait, moi aussi, c'est le côté do it yourself que j'aimais beaucoup dans son cinéma. T'sais. J'ai acheté à l'époque, au début des années. À fin des années 90, trois cassettes de Anchor Bay. Evil Dead. Non, c'est en fait Evil Dead 1 puis 2, pas Army of Darkness. En tout cas, peut-être. Ouais, je pense que. Je sais plus si j'ai les trois. Parce que je sais que j'ai les deux premiers. Anyway, ce que je veux dire, c'est que dans le 2, il y avait un documentaire avec le 2 qui venait avec. Puis c'est souvent sur les DVD. Puis tout, je ne l'ai pas en DVD. Mais sur le making-of du 2. J'en viens à ça. Pour dire que ce making-of-là du 2, qui dure genre une demi-heure, je ne sais pas trop, m'avait tellement inspiré. Je trouvais ça tellement le fun à voir. Là, comment est-ce que les gars travaillaient dans la cabane à faire des effets spéciaux. Puis tout, c'était tellement inspirant pour quelqu'un qui justement tu sais se lançait avait l'intention d'étudier en cinéma ou des trucs comme ça, tu étais inspiré par ça, puis je trouvais ça tellement trippant de les voir faire avec des bouts de rien, des bouts de c'est avec du caoutchouc, des bouts de bois, puis il réussit à faire un film d'horreur, c'est le fun, tu sais, tu vois que c'est ça, il y a eu plus de budget, puis il y a un studio derrière Army of Darkness, mais ça reste quand même encore Army of Darkness reste c'est le film où ce que Sam Raimi a mis beaucoup de ses influences, ils avaient mis dans ses deux premiers films, mais dans celui-là, il y avait, c'est ça, on disait tantôt, tu sais, je parlais des Three Stooges, Ray Harryhausen, il met beaucoup de slapstick, beaucoup de toutes ses influences cinématographiques sont là-dedans, puis c'est vraiment un travail d'amour dans ce film-là, même si ça a plein de défauts, puis le personnage, il est anti, il n'est pas attachant, comme dans les deux premiers films, mais ça reste que c'est... Il est attachant, mais pas attachant. Tu sais, tu l'aimes pareil parce que... C'est Bruce Campbell, mais tu sais, en même temps, à la base, il est vraiment lâche puis haïssable dans ce film-là. Oh, ouais. Ah oui, vraiment, c'est ça. Là. Tu sais, dès qu'il se fait sacré héros, là, il couche à terre, il se fait nourrir, puis il y a du monde qui sont en train de le laver à l'éponge. Tu sais, là. C'est tout de suite comme, oh yeah! La grosse vie sale. Tu sais. La couleur, tu sais, j'essaie de penser à d'autres films comme Darkman, comme la trilogie de Spider-Man. Je sais pas, il y a quelque chose dans sa manière de filmer les scènes d'action, dans ses plans de caméra. Il y a quelque chose de personnel, ses zooms, oui. T'écoutes The Quick and the Dead, qui sont western, puis c'est Evil Dead version western. Là. Pas qu'il y a des démons, mais en termes de mise en scène, là, c'est fou. Là. C'est vraiment un comic book live. Là. Puis Rémi, tu le sentais qu'il y avait déjà ce style-là, parce qu'un de ses premiers films, c'était Crime Wave, que j'avais jamais vu, puis qui est disponible maintenant sur Shout Factory. Puis ça mettait en rôle un des premiers rôles de Bruce Campbell, que lui déteste parce qu'il se trouve affreux dans le film. Mais le film est très coloré, très cartoon, puis ça fait vraiment, vraiment bande dessinée, ou plutôt de Looney Tunes live. Puis là, c'est là que tu vois l'essence de Rémi depuis le début, qui a ça dans le sang, qui veut faire du slapstick, puis ce côté-là déjanté. Fait que c'est vraiment la touch là, de ce réalisateur-là. Vous voyez sur le chat, il y a Pascal Cyr qui dit que pour lui, Drag Me to Hell, c'est son préféré après Evil Dead. Que Drag Me to Hell, qui est arrivé, tu sais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de l'horreur, là, je pense. Ouais. Il venait de faire ses trois Spider-Man. C'est après le troisième? Deux? Moi, je suis sûr. En tout cas, c'était pendant sa période de Spider-Man. Puis, moi, j'ai trouvé que dans son Drag Me to Hell, il était là. C'était Jamie... encore Sam Raimi qui était là. Ouais, Drag Me to Hell, c'est Evil Dead 4. Là. Pour moi, c'était ça. J'étais au cinéma, puis j'étais comme c'est le Evil Dead 4 qu'on n'a jamais eu. Puis j'étais vraiment satisfait. Puis c'est tard, parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que le film passait plus sur le radar. Mais tu sais, j'étais dans la salle de cinéma, puis quand il arrive la bataille dans l'auto entre la fille et la vieille, j'étais comme... Man, c'est mon Sam Raimi qui est revenu, puis qui s'éclate. L'histoire du mouchoir, tu sais, je veux dire, la fille se bat contre un mouchoir qui essaie d'y rentrer dans le nez, tu sais, c'est Bruce Campbell qui se bat avec des mains de squelette qui essaie d'y rentrer des doigts dans les oreilles, tu sais, c'est exactement ça. Là. En tout cas, moi je dis ça de même. J'en parle pas parce que j'ai pas aimé ça à l'époque. J'ai juste vu une fois et j'avais pas aimé ça. Mais... Tu devrais le revoir. Je suis pas mal certain que tu l'aimerais. La scène du char dans le parking, j'avais détesté ça. J'avais trouvé ça tellement niaiseux, en tout cas. Mais tu vois, c'est ça. Ah ouais? Moi, quand je l'ai vu comme Sam Raimi qui nous refaisait. Ouais, tu sais, pourtant, c'est tout ce que t'aimes d'habitude. Cette scène d'exorcisme ou je sais pas trop quoi avec la chèvre qui est possédée par le démon, tu sais, t'es comme. Ouais. Est-ce que c'est Sam Raimi qui fait juste le câble? Je pense que j'avais de la misère avec le côté comique quand dans un film qui se voulait sérieux au départ, je sais pas, t'sais. Le ton était beaucoup plus sérieux que les Evil Dead. Là. Mais moi, tu vois, je trouvais que ça zigzag. Oui. Ça zigzag comme le deuxième, je te dirais. Okay. Tu sais, le deuxième, t'as des moments d'horreur quand même assez sérieux. Pourtant, t'as des moments d'humour noir assez tape à l'œil. Là. Mais comme je te dis, je suis sûr que tu devrais y redonner une chance. Je suis pas mal certain que t'aimerais beaucoup plus. Aujourd'hui. Mais j'avais aimé son film avec. C'est-tu lui qui avait fait le film avec Kate Blanchett en 98-99 Il avait fait un film d'horreur. Ouais, The là. Gift. Ouais, The Gift, ça, j'avais aimé ça. Avec un des meilleurs rôles de Keanu Reeves en espèce de chum alcoolique, batteur de femme. Cathy Holmes aussi, il y a plein de monde là-dedans. C'était bon. Un autre petit film qui a passé inaperçu. En fait, Sam Raimi n'a pas été chanceux avec les autres films en dehors des Spider-Man ou ses Evil Dead. Il a fait un film de baseball aussi, je pense, avec Kevin Costner. Il n'a pas fait un film de baseball avec lui à un moment donné. Je suis pas sûr. Je sais qu'il avait fait un plan 5 qui était avec Bill Paxton et deux autres acteurs par rapport à un vol d'argent en hiver. C'était un genre de trailer. Puis, tu sais, Sam Raimi, je pense qu'il voulait juste pas rester enfermé dans le domaine de l'horreur. Puis on dirait que ça y a nuit un peu de faire ça. T'sais, même son western, ça n'avait pas été un énorme succès mais à l'époque. En même temps, c'est tout à son honneur. Je veux dire, il peut pas rester. C'est plate pour un réalisateur d'être pogné par d'être pogné dans un style. Là, ouais, c'est ça qui est arrivé avec Craven. Avec Craven. Ouais, Craven. Oui, il avait essayé de faire son truc. C'était quoi, les violons du cœur? Je me souviens plus en anglais. Oui. Je sais de quoi tu parles. Mais ça avait été aux Oscars, ce film-là, je pense. Ça se peut, mais ça n'avait pas eu le succès. Le film de Raimi que je parlais, c'est Au-delà du jeu et de l'amour, For the Love of the Game, 1999, avec Kevin Costner, film de baseball. Oh my God, faudrait que je voie ça parce que je m'en souviens zéro. Non, puis j'avais pas détesté son film dans le monde de Oz. Je l'avais vu au cinéma, puis j'avais pas détesté du tout. Oui, c'est vrai, avec Jeff Franco, là. Je veux juste dire allô à maman qui est sur le chat. Salut maman. J'avais dit, tu viendras faire un tour, là. Viens dire allô aux gens. on s'en va sur une deuxième journée. Oui. Ah oui. Un autre grand de ce monde, et c'était Joe Dante. Ça, tu vois, j'ai laissé aller. Hein? Quoi? Où ça? Quoi? Steven, vas-y. Steven, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit ça là, Jeff va se laisser aller parce que je sais qu'il y a un des films qu'il adore là-dedans qui est pas super. Qu'il est moins discuté. Là. Ouais, mais c'est pas un film d'horreur. Ça n'est plus pareil des monstres des années 50. C'est correct. Tu l'as vu finalement? Je l'ai déjà vu, mais ça fait trop longtemps. Okay. J'ai pas eu la chance de le revoir, mais je veux la nouvelle édition. On parle de Matinee. Admettons, de Matinee. Pour ceux qui se disent, je suis pas fan d'horreur, là, éclairez-moi. Là. Si on veut dire Joe Dante, c'est quoi sa filmographie? Gremlins. The Howling, Hurlement, pour ceux qui le connaissent en français. Moi, c'était j'ai écouté Piranha. Toi, tu parles de Matinée. Il avait fait aussi... Très important de mentionner. The Birds. Oui, The Birds avec Tom Hanks. Il avait fait... c'est pas aussi... Il a fait Small Soldiers. Quelque chose de... Oui, Small Soldiers. Je l'aime beaucoup, celle-là. Il n'avait pas aussi fait le voyage à l'intérieur, là, l'aventure intérieure. Inner Space. Ah oui, c'est vrai. C'est tellement bon, ça. Ouais, Inner Space avec Dennis Quaid. Puis quand c'était solide. Puis il a pas fait son film de trou dans le sous-sol, là. Oui, The Hole. Je l'ai jamais vu. C'est lui aussi, si je ne me trompe pas, qui a fait Explorer. Oui, Explorer, c'est vrai. Les petits garçons avec leur vaisseau spatial, oui. veulent construire un vaisseau spatial, finalement, ils s'avancent pour vrai. Puis ils avaient fait le segment des vieux Oui, dans The dans Twilight Zone. le film de Twilight Zone. Ah non, les vieux, c'est Puis il a fait Spielberg. également. Non, Non, ouais, c'est c'est Spielberg, Spielberg. excuse, c'est le petit garçon Avec la créature, le genre qui de. C'est ça le petit garçon avec le le genre petit de. en... que ses pensées se réalisent. Oui, un Ouais, genre de le petit gros, garçon qui est. voyons, gros lapin ou je sais pas trop quoi, là, à un moment Le donné, gros là. lapin, mais en tout cas, entre autres. Puis il a fait un Mais. épisode de Master of Horror qui était Dear Woman. C'est Dear Woman qu'il avait fait? Ouais. Il Puis avait. c'est pas dur de reconnaître le titre de Joe Dante. Je dirais en dehors peut-être de Hurlements, des Yearlings, c'est un réalisateur qui aime beaucoup l'humour et évidemment l'humour noir. Fait il incruste ça avec son horreur. Tu sais, t'écoutes Gremlins, la plupart des gens vont se rappeler de ça comme étant une comédie familiale, tout ça, mais rappelez-vous des séquences dans la cuisine ou du sapin avec la mère qui doit se battre contre un Gremlins. C'est purement horrifique. C'est Ah juste oui, c'est que débile. Joe Dante, il aime beaucoup l'humour. Fait que, tu sais, c'est Ben, tout le temps l'histoire du personnel. personnage de Phoebe Cates qu'elle raconte aussi, c'est assez. Oui, de Père Noël. Il avait fait le segment dans Masters of Horror aussi qui s'appelait Homecoming. Les soldats américains qui revenaient à la vie pour aller voter contre ceux qui voulaient poursuivre la guerre, en tout cas quelque chose comme ça, là. C'était assez rentre-dedans dans ta face, Là, celui-là. je le revois, lui. Je m'en souviens pas. Mais c'est drôle, je l'ai rencontré cet été pour la première fois, Joe Dante, quand j'étais voir Nightmare Cinema au Fantasia. Tu sais, puis il avait réalisé un des segments dans cette anthologie-là. Puis vraiment un bonhomme sympathique, vraiment pas péteux de brou, qui se lance Ah. pas des loges, là. Fait que. Non, vraiment. Puis je dirais aussi. Il y a de quoi dans la simplicité de ces personnages. Tu disais l'humour, mais il y a de quoi pour rendre ces personnages attachants. Et c'est ça qui va me lancer dans Piranha. Oh. Moi, j'ai écouté son Piranha, qui est un film qui est produit par Roger Corman. Première fois? Ouais, je pense que c'est son premier Non, film. non, mais je veux Non? dire, toi, c'est la première fois que tu le Oui, voyais? c'est la première fois. C'est la première OK. fois que j'ai ce film-là depuis longtemps. Et j'étais pas sûr, parce que là, tu sais. Moi, je connais Piranha à cause de Piranha 3D, puis t'sais, puis j'avais beaucoup aimé l'humour que. C'était Aya, Alexandre Aya qui avait Alexandre fait Aja. Aja. Je dis Aya, Aja, en tout cas, corrigez-moi. Yep, oui. J'avais vraiment aimé l'humour dans Piranha 3D, puis t'sais, puis bon, c'était très, très gros, là. C'était testostérone à fond, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, avec Joe Dante, ça va être autre chose. Puis je ne savais pas s'il allait se diriger vers l'humour, l'horreur, tout ça. Puis tu sens que dans ce film-là, il cherche encore un peu, là. Tu sais, il est pas encore sûr de ce qu'il veut faire avec son film. Parce qu'il y a, il y a des. Ces piranhas, il les traite un peu comme le requin de Jaws, dans le sens qu'il les montre très, très peu souvent. Puis quand Ben, tu c'était les genre 2 ans montres. après là, que c'est sorti, Non, 2, c'est ça. 3 ans. Clairement, tu Mais en même sens. temps, c'est une production Roger Corman. Puis lui, Oui. qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait des rip-offs de qu'est-ce qu'il porte. Non, Fait qu'il a dit ouais. à Joe Dante, fais-moi de Jaws avec des C'est piranhas. ça, exactement. Puis, tu sais, tu sens qu'il essaye. Joe Dante prend ses personnages. L'histoire de Piranha, c'est simple. Des piranhas qui ont été modifiés. Je me souviens plus si c'est par. Ils ont été Scientifique. scientifiques, peu importe. Ils ont été modifiés, ils sont rendus plus intelligents, plus cruels, puis ils sont relâchés dans la nature. Puis il faut qu'ils les arrêtent avant qu'ils traversent une certaine zone, parce que sinon, après ça, ils vont être juste. Éparpillé partout dans le monde. C'est juste ça. Puis on suit un gars puis une fille qui pourchasse les piranhas et qui essaie de se rendre avant eux autres à un certain barrage pour les empêcher de passer. Puis en même temps, il y a des enfants dans un camp de vacances que tu sais que les piranhas pourraient arriver là puis se mettre à bouffer les enfants. Puis tu vois que Joe Dante essaie des fois de faire dans l'humour dans ses personnages, dans ses situations. Il réussit pas, tu sais, c'est un de temps en temps. C'est Piranha, autant il y a des moments où j'étais comme, oh, c'est pas boche, puis c'est mal fait. Il y a eu des séquences que j'ai faites, ah, c'était hardcore, ça c'était, ça rentrait dedans pas pire, c'était violent, puis le moment où les piranhas se rendent aux enfants. Bon, avant que tu te rendes compte qu'évidemment, il ne tuera aucun enfant dans son film, alors que les adultes prennent 5 secondes au contact des piranhas. Les adultes sont morts. Les enfants, eux autres, se font mordiller les fesses et les cuisses, puis il y en a pas de problème. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, il va tout tuer les enfants! Ce moment-là, j'étais comme, tabarnak, il va avoir un carnage chez les enfants. Oh non, OK. une pointe qui meurt. Il y a une adulte qui tombe dans l'eau, puis elle, ça prend 5 secondes, puis elle est morte. Il y a des enfants partout, elle meurt, mais les enfants, non. Mais c'est ça, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais. Justement, c'est un épreuve de jazz, mais il réussit à sortir son épingle du jeu, puis il crée quand même ses monstres. Ses piranhas ont leur son, ils ont leur petite... Il y a sa petite mécanique, tout ça, mais ça a été vu une fois et ça ne sera probablement jamais revu. Je sais pas si vous autres, vous l'aviez vu, Piranha. Oui, oui. Puis sa suite. Une couple de fois. Sa suite réalisée par James Cameron, oui. Ouais. Ouais. Ouais. Ça a des piranhas volants. Des piranhas volants. Ah, oui. Sont encore mieux, encore moins bien faites. Ouais, c'est encore pire, mais ça, c'est littéralement du nanor. Là. T'écoutes ça pour vrai, il y a vraiment des scènes mémorables. Mais moi, je l'aime bien, le premier Piranha. C'est ça, dans le premier, t'as je me rappelle plus des acteurs principaux, mais t'as McCarthy de l'invasion des profanateurs. Voyons, Kevin McCarthy qui est là-dedans, qui joue un petit rôle. C'est le fun de l'avoir. Puis Joe Dante, c'est un... Tu sais, vous parliez de qu'est-ce qu'il évoquait pour vous autres. Moi, il évoque l'enfance. Il y a quelque chose de l'enfance dans tous ces films. Il y a quelque chose de... l'imagination, puis l'émerveillement des enfants, puis je sais pas, peut-être pas tous ces films, mais tu sais, je pense à justement à Small Soldiers, même Gremlins, il y a tout un beaucoup de quelque chose d'enfantin, puis aussi du Monster Movie des années 50, je pense pas juste à Matinée, mais je pense à tous ces films qui ont quelque chose du Monster Movie des années 50 un peu, tu sais, c'est un cinéma safe, comme tu dis, il y aura pas d'enfant qui va mourir dans ces films-là, mais c'est ça, ça rend hommage, je pense, à travers toute sa filmographie, tous ces films ou presque rendent hommage un peu au Monster Movie des années 50. Ça reste classique, familial. Oui, vas-y. Ben, je veux juste que tu nous parles de Matinée. Oui, parle-en donc. Vas-y. Ben, vas-y, ça fait déjà les Matinées. La dernière fois que j'ai vu. C'est sûr que tout le monde, depuis tantôt, ils t'entendent parler de Matinée, puis ils font c'est quoi ça, Matinée? Quoi qui nous parle? La dernière fois que je l'ai vu, ça fait une couple d'années. Tout ce qu'ils trouvent, c'est des déjeuners. C'est ça, la dernière fois que je l'ai vu, ça fait une couple d'années, c'est avec John Goodman. C'est un film de 92-93 que moi j'avais vu à cette époque-là, quand ça passait genre à super écran, je sais pas trop. Puis ça raconte l'histoire d'un gars un peu à la William Castle. Si vous connaissez William Castle, c'est un réalisateur des années 50-60 qui faisait des gimmicks quand il présentait ses films. Il y avait genre dans The House of Haunting Hill, quand il présentait ça, il y avait un squelette qui passait dans le cinéma qui était accroché sur des cordes. Puis, en tout cas, je sais pas trop, là, mais il y avait tout des petites gimmicks au cinéma. Puis là, tu as un personnage joué par John Goodman qui est plus grand que nature, qui il donne tout le temps dans le spectacle, puis dans le plus grand, puis tout, puis il fait ce genre de gimmick-là quand il présente ses films. Puis là, il vient présenter son nouveau film dans une petite ville qui est proche d'une base militaire. Là, notre héros, c'est un petit garçon qui vit avec sa mère, puis son frère, je pense. Leur père est décédé ou est à la guerre, je sais pas trop. Puis ça se passe au début des années 60, dans l'histoire de la crise des missiles cubains. Là. Puis c'est ça, t'sais, toute cette tension-là qui vient de tensions politiques. Ils ont peur d'une nouvelle guerre nucléaire avec les Russes. Puis il y a cette histoire-là d'adolescent qui découvre l'amour, puis qui aime les films d'horreur, qui va voir ce gars-là au cinéma, qui présente son film, puis tout. Puis on a le faux film à l'intérieur de Matinée qui est le fun, parce que le film du réalisateur, c'est un film typique des années 50 avec un homme qui se transforme en fourmi, mi-homme, mi-fourmi, puis il s'appelle... je pense que c'est Mantis, mi-homme, mi-mante religieuse, en fait. Puis c'est ça, c'est super bien fait, je trouve. Joe Dante a vraiment recréé un film. Ben, il a inventé un film, mais qui recrée le style des années 50, puis un peu à la mouche, là, un peu dans ce genre-là. Puis c'est ça, t'as plein de bons acteurs là-dedans, que là, je me souviens plus des noms, mais c'est un film que je trouve super sympathique. C'est plein de nostalgie pour cette époque-là, mais si vous aimez les vieux monster movies, c'est parfait pour vous. T'sais, si vous aimez le style de Joe Dante, ben ça. Je vois pas pourquoi ça a pas plus pogné que ça, parce que je trouve que. En tout cas, moi, ça me parlait beaucoup. Je sais pas pourquoi ça a pas. Qu'est-ce qui parle pas au monde là-dedans, mais ça a pas été un gros succès. Là, fait que je sais pas. Je pense que le film mériterait d'être. C'est une question de marketing. Ouais, je pense que le film mérite d'être visité. Là. Puis honnêtement, l'affiche est pas inspirante. La pochette du film, là, quand tu vois ça en clip vidéo, t'as pas le goût. Je vais le dire. C'est du sarcasme. Ouais, c'est dit. Ah non. Parce que je sais pas, l'affiche est vraiment belle, non? Je sais pas. Moi, clip vidéo, je vois. Non, mais moi, à l'époque, quand je voyais ça en clip vidéo, je me souviens d'avoir vu une matinée en clip vidéo, puis j'étais comme. Non. Moi, John Goodman qui pointe une affiche de cinéma, j'étais comme. Puis c'est que matinée, j'étais comme. On va aller faire un film le matin. Je me disais, hey, l'exterminateur d'araignées, il extermine des fourmis maintenant. Non, c'est ça, ça m'inspirait pas du tout. Sur le chat, pas mal tout le monde parle de The Howling et de Gremlins. The Howling, Pascal Jacob qui nous dit qu'il vient juste après American Werewolf in London. Je pense qu'il y aurait peut-être un débat à faire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, bon, c'est The Howling », puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est American Werewolf. Je pense que ça change avec le temps. Moi, autant quand j'étais plus jeune, American Werewolf in London était le top. Puis plus je revois The Howling avec les années, plus lui, je l'aime, alors que j'y trouvais trop de défauts. Fait que... The Howling, il y a son petit côté qui est le loup-garou là, qui est intéressant. Il me semble qu'il y a ça. C'est-tu dans lui? Qu'on essaie tout le long de deviner qui est le loup-garou? C'est dans le troisième ou le quatrième, ça, je pense. Ah, ça, c'est dans le château, cinquième, un genre de petit coulisse. Ouais. C'est dans le cinquième, dans un château, une espèce de TV movie où tu vois aucun meurtre, mais l'aspect ou Donnet est vraiment le fun. Il l'a pas dans le premier. Tu sais tout de suite qui est le loup-garou? Ben oui, dès le début, elle rencontre quand même une personne. C'est parce qu'il y a un mystère alentour de l'endroit où elle va, mais je le perçois pas tant comme un whodunit, là. OK. Mais le meilleur film, c'est Bad Moon avec Michael Parry. Chien versus loup. C'est génial. Chien versus loup. Depuis le temps qu'on voulait ça, chien versus loup. Putain, écoute. Hein? Ça a été fait, on peut dormir en paix. Et là, on continue avec un autre grand. Stephen Cognetti. Il est-tu si grand que ça? Ben non, je sais pas. 6 pieds, hein, 6 pieds. Non, ben écoutez, là, je fais un peu des blagues parce que je dis avec un autre grand. Là, ben, ça, lui, ça va prendre un c'est autre film. C'est un peu dans la gang. Savoir. Ouais, c'est ça. Parce que lui, c'est. Ceux qui ne savent pas qui est Stephen Cognetti, c'est des farces, ce n'est pas un grand, c'est un petit nouveau. Il y a même pas de barbe, il n'y a même pas de barbe, le petit monsieur. mais il a l'air très, très sympathique parce qu'il veut nous parler. Il va nous parler d'ailleurs mardi. Mardi, je jase avec lui. Nice. Donc, son statut de bon réalisateur est encore dans la balance. Là. C'est comme. C'est ça. C'est lui qui a réalisé, dans le fond, ceux qui écoutent les autres les épisodes vont dire voyons, non, ça me dit quelque chose ce nom-là. Et c'est lui qui a réalisé les deux found footage, Hell House, LLC 1 et 2. LLC est peut-être de trop là, si tu veux mélanger le monde avec ton nom de film, enlève ça parce qu'il y a trop de films qui s'appellent Hell House ouais c'est au pire, trouve autre chose. Hell House, LLC qui est les fans de footage d'une gang ben, j'allais dire de jeunes, mais c'est pas très très des jeunes là. Une gang d'amis qui décident qu'ils vont acheter une vieille maison qui est un peu un hôtel hanté, un hôtel qui en tout cas, qui avait des histoires un peu sordides dedans, puis ils décident qu'ils vont le transformer en maison de l'horreur. Et bon, lorsqu'ils l'ouvrent, le soir d'ouverture, ça vire en catastrophe. Il y a du monde qui meurt, du monde qui sont blessés. Puis là, on fait comme voir les 30 jours qui ont été filmés, comme les archives qui ont été filmées d'eux autres qui sont en train de monter la maison de l'horreur. Et toutes les choses un peu bizarres qui se sont produites entre-temps et tous les moments où tu te dis « Moi, j'aurais calissé mon camp. » Évidemment. puis le 2, ben, Jeff, tu me disais... C'était, c'est encore une gang qui retourne à l'hôtel puis t'as les mêmes... Ah, t'as le même genre de... Tu visites les mêmes pièces, t'as le même genre d'effet, mais ça marche tellement plus. Le montage est n'importe quoi, puis en tout cas, c'est, l'acting est vraiment mauvais, puis c'est une perte de temps, ce film-là. On en a parlé déjà, je pense que c'est le dernier épisode, parce que toi, t'avais écouté le 2, je me souviens pas. Ouais. Moi, c'était ma première fois que j'écoutais Hell House LLC cette semaine. On avait eu un screener pour l'épisode, vous l'aviez fait, mais moi, j'avais pas pu. Et j'avais vraiment hâte de le voir parce que vous aviez dit qu'il y avait vraiment des moments efficaces côté frayeur. Vous aviez dit la gang, en tout cas, vous étiez plus ou moins d'accord avec l'empathie qu'on a envers cette gang-là, puis l'acting, tout ça. J'ai bien hâte d'y parler côté improvisation avec ces acteurs, tout ça, parce que je sens qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont improvisés, puis des fois, ça devient juste inintéressant ce qui se passe dans les moments qui sont extérieurs aux séquences d'horreur. Mais Simonac, j'ai eu la chienne en tabarnak. J'ai vraiment eu peur pendant Hell House LLC. C'est exactement le genre de film qui me fout la trouille. Honnêtement, tout était là. Tout était là. Tout ce qui me fait peur dans la vie, tout ce que j'ai peur qui se passe chez nous quand je suis seul le soir, tout était là. Quelque chose qui a bougé, quelque chose qui n'est pas à bonne place. Couché en dessous des couvertes, puis quand tu vas te rebaisser couverte, il va avoir quelque chose à 2 pouces de ta face. Écoute, vous aviez parlé de cette séquence de couverture-là dans le podcast. Puis tu sais, tout le long, j'étais comme, OK, madame Annie, il va y avoir des séquences de couverture. Mais ce qui est drôle, c'était que je n'étais pas encore arrivé à. Je suis pas encore arrivé à cette séquence de couverture-là. Puis j'étais comme. Parce que moi, à date, il y a eu des séquences qui m'ont donné à la chienne. Même si j'étais comme. C'est cliché, là. C'est vraiment cliché. Mais, puis tu sais, mais non, c'est, moi, j'avais mordu. C'est peut-être à cause du film que j'avais vu avant qui m'avait mis la table. Ouais, t'étais déjà dans le monde. C'est déjà terrifié pas mal. Il y a un petit jeu de mots ici. on en parlera tantôt. Mais quand je suis arrivé à la séance, à toutes les fois que le gars tournait sa caméra pendant qu'il était dans son lit, j'étais comme, OK, ça va être là la séquence de couverture. Là. Non, OK. OK, ça va être là la séquence de couverture. Puis évidemment, quand elle arrive, j'étais comme, oh my god, si ça n'a pas de crise de bon sens, j'ai vraiment le chien. Mais c'est plate un peu, hein, dans un sens. C'est pour ça que maintenant, quand je vois un film qui fait un buzz, je mentionne pas un lieu ou de quoi, parce que quand tu vas écouter, tu te dis, oh, Steven m'a parlé de la scène de couverture. Fait que là, tout au long du film, tu attends la scène de couverture, puis tu attends un moment de ta couverture. Puis c'est plate parce que ça crée une attente que tu n'es pas supposé avoir. Tu sais, quand nous autres, on l'a écouté, on ne savait pas là, qu'il allait avoir un moment avec une couverture. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, quand tu vois le moment, tu te dis pas que ça va être à ce point-là efficace. Ouais, non, que, c'est ça. Quand tu arrives à ce moment-là, tu fais comme, OK, ça, c'est à 5. Puis je peux me faire vraiment peur. T'sais. Bon, là, on vient de remettre le clou dessus. Mais oui, écoute, c'est sûr. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça très, très, très, très, très efficace. Moi, ça a marché du début jusqu'à la fin. C'est cliché. C'est tellement cliché. Ils utilisent des trucs de l'horreur qui sont clichés, du genre. Il y a un mannequin qui a bougé. Là, hey, c'est qui a fait bouger le mannequin? Je sais que c'est toi, mon maudit. Non, j'étais pas là, j'étais là-bas, check. C'était qui d'abord? Puis là, il s'en revient de voir, puis le mannequin est plus là. Puis là, t'es comme, OK. Mais moi, il y avait un build-up là-dedans que je trouvais vraiment efficace. Puis ça a marché jusqu'à la fin. Il y a un 10 minutes de trop à la fin. Là, il essaie de faire un genre d'épilogue qui sert absolument à rien. Là. Juste rajouter un punch pour rajouter un punch. Là. Mais sinon. Mais vous autres, là, ça vous avez fini avec la dernière phase de la vidéo. Vous autres, vous arrivez là, en haut des marches de ce sous-sol-là, vous descendez-tu? Tabarnak, non. Même un sous-sol de luxe où que je verrais une bibliothèque de films intenses, je voudrais même pas descendre, parce que c'est des sous-sols d'habitude, la nuit, c'est pas écœurant. Hey, man. OK, mais... ouais, vas-y. Ben, j'allais juste dire, c'est parce que le gars, il évite les erreurs qu'on voit trop souvent dans les fans de footage misés sur des effets sonores, des statiques, des trucs. Tandis que là, c'est vraiment juste des effets de creepy, l'imagerie. Tu sais, c'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de jumpscare, rien. C'est vraiment juste, on te crée un effet de peur avec de quoi de bizarre, c'est tout. Puis, ben, puis de quoi qui est effrayant, pour vrai. Ouais, ben oui, qui est effrayant. Les mannequins, ça fait le job. Oui, en plus, déjà, son décor est effrayant parce que. C'est juste des mannequins qui vont servir à une maison d'horreur. Fait que, tu sais, tout ce que t'as, c'est des mannequins qui saignent, qui ont peut-être à moitié arraché, des clowns creepy, tu sais. Mais puis, tu demanderas à son entrevue, mais j'ai vu quelque part qu'il voulait prendre cet hôtel-là puis en faire une vraie maison des horreurs. Je trouve que ça serait tellement génial parce que c'est un lieu. Lui, il a trouvé le jackpot quand il a trouvé ce lieu-là. Là. Ouais. Vraiment. Mais il s'en sert très mal dans le deuxième film parce qu'il fait juste revisiter les mêmes pièces qui ont marché dans le premier film, là, qui est la chambre avec le drap, il retourne là, il retourne à toutes les mêmes places, tu sais. Puis il essaie de recréer le feeling du premier, mais ça marche pas. Mais le lieu en tant que tel, dans le premier film, il s'en sert tellement bien, là, je trouve. Là. Vraiment. Puis le lieu, c'est ça, c'est que tu reconnais les pièces. Oui, ça devient un personnage, si... l'hôtel. Ouais, puis même si t'es en fan de footage, t'es quasiment capable de te repérer dans les lieux. Tu les vois marcher, puis tu vois. Mais c'est parce qu'en fond, tout est un petit peu plus. Non, mais je veux dire, il y a tellement rien d'avoir là. De raccoins, c'est quoi, cet hôtel-là. C'est dur ouais, de. Pourtant, de faire une carte il s'en mentale, va à des places. Ouais. Mais tu sais, il s'en va à des places, tu es quasiment capable de faire comme. OK, quand il va virer à gauche, là, il va arriver dans la pièce comme ça. Puis, non, c'est ça. Puis, anecdote, parce que j'ai tellement eu la chienne, mais c'est ça, c'est peut-être la combinaison des deux films. Mais quand j'ai terminé ce film-là, moi, je l'écoute dans le sous-sol chez nous avec mon cinéma maison. Puis, la chambre est au deuxième étage. Puis, quand ça a été temps de monter les marches, mes marches font un L, tu sais. Il y a un coin dans mes marches, là. il pourrait avoir quelque chose là, quand je tourne le L. Pour être là. Puis j'ai vraiment arrêté en plein milieu de mes marches. Fait comme, il pourrait avoir de quoi dans le coin de là, quand je vais tourner. Puis je me suis dit, ouais, mais là, je viens de fermer la lumière là, du sous-sol. Il y a peut-être quelque chose en arrière de moi. J'étais coincé, mais j'ai vraiment arrêté dans les marches. J'ai fait comme, c'est bon, arrête de faire des caves, marche. Mais j'ai vraiment eu une seconde ou deux que j'ai arrêté, puis j'ai fait comme... Mais non, c'est bon, hein? Mon Dieu, quand ça marche, c'était cœur, hein? Puis là, j'avais juste peur que ma plante me fasse encore une de ces séquences de somnambulisme. Là j'ai fait, si elle me rajoute ça, c'est sûr, je meurs d'une crise cardiaque, je fais plus tant de temps. Là j'écoute des Daniel Steele jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça fait alors, écoute, là, écoute, j'étais dans le lit, là, j'étais dans mon lit, puis les couvertures faisaient un pli bizarre sur le corps de ma porte, puis tu sais, d'un coin de là, j'ai comme, tu sais quoi, ça fait, ok, c'était les couvertures. Je t'en étais rendu là. Ça avait marché à fond. C'est fou comment est-ce qu'on se crée des peurs avec ces films-là. Tu sais, on vit dans ces maisons-là, on vit dans ce lieu-là où on passe nos journées, nos soirées, peu importe, puis selon ce que tu écoutes, ça sera pas la même chose. Pantoute, tu écoutes une comédie, tu vas être couché, tu vas fermer les lumières, t'auras aucun problème, tu sais. Mais tu écoutes un film d'horreur, puis tu fermes les lumières, tout à coup, t'entends des bruits, tu vois des ombres, puis... Tu sais, on écoutait Anne, Anne, la maison pignon vert, la nouvelle série, puis dans le deuxième épisode de la nouvelle saison, il y a une scène, il y a plusieurs scènes où ce que Anne se crée des peurs, elle invente une histoire dans le bois, elle marche dans le bois, puis elle invente une histoire avec les arbres qui veulent attaquer les humains, puis tout, puis elle s'invente toute une affaire, elle a plein d'imagination, ce personnage-là. Puis là, le soir, elle est plus capable de dormir, elle est dans la même maison, ce qu'elle dort tout le temps, puis elle est plus capable de dormir, fait que là, en plus, la famille avec qui elle est, ils s'en vont à une soirée, fait que là, elle dort toute seule, puis elle est plus capable, pas en tout, elle allume des chandelles partout dans sa chambre, puis là, elle entend des bruits, puis il y a des, tu sais, comme si elle s'imaginait qu'il y avait du monde, il y avait des ombres à sa fenêtre, puis tout, puis ma blonde, elle dit, c'est comme toi quand t'écoutes un film d'horreur, c'est bien pareil. Il fait, mais oui, c'est l'imagination, c'est le même, tu vis dans cette maison-là ben, tout le temps, mais selon ce que t'écoutes, ça. C'est ça, ça change tout. Si j'écoute un Star Trek le soir puis je me couche à minuit, je ferme les lumières, aucun problème. Mais si j'écoute un film d'horreur, c'est la même petit salon, même maison, mais c'est pas en tout la même chose. J'allume la lampe de poche de mon cellulaire pour marcher jusqu'à ma chambre. Oh oui, c'est pareil. Puis, regarde, anecdote qui n'aurait vraiment pas fallu qu'il se produise quand ça est arrivé, mais mon voisin me comptait là, 2-3 semaines, il me dit « Hey, hier, t'as-tu vu la fille bizarre qui se promenait dans la rue? » Puis je dis « Non. » Il dit elle marchait en plein milieu de la rue, puis elle était vraiment désorientée, bizarre. Puis je l'ai vue, elle a monté sur ta galerie, puis elle a regardé par ta fenêtre. Il dit, je suis allé la voir, j'ai dit, tu cherches-tu quelqu'un? Elle m'a dit, sais-tu où est-ce que je pourrais trouver de la coke? Puis là, il a dit, ben non, il n'y a personne qui vend de la coke ici, puis elle est partie. Mais là, imagine, la fille désorientée qui cherche la coke, là, tu sais. Puis là, moi, s'il avait fallu que je monte les marches, puis que je tombe face à face dans la fenêtre, la fille qui cherche de la coke, là, je serais mort! Là, t'apprends que. Qu'est-ce que ça? T'apprends que quelqu'un, là, 30 ans, qui possédait ta maison, vendait de la coke, puis il y a une femme qui est morte à cette époque-là, puis dans la rue. Elle est habillée comme elle. La lumière, quand j'allume la lumière de mon patio, les gardes sont blancs, fait que la lumière flash beaucoup sur mes gardes, puis on dirait qu'il y a un espace vide en arrière, il y a comme rien d'autre, c'est le néant, tu sais. Fait que moi, je m'imagine, évidemment, parce qu'on est tellement bon à s'imaginer des affaires, je m'imagine tout le temps, puis c'est une grande porte vitrée, là, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, tu sais. Fait que je m'imagine le soir, tu sais, aller fermer la lumière de dehors, mais tu sais, juste arriver devant la porte, puis il y a juste quelqu'un qui se tient debout sur mon patio puis qui regarde par la fenêtre, là, t'sais. T'es comme tabarnak, je veux jamais voir ça de ma vie. Il n'y a pas de rideau, fait que c'est sûr et certain que là, plus tu te dis, je suis en train de me promener dans la maison puis il y a quelqu'un qui m'a regardé par mon patio. Oh God! Il y a de quoi chez vous avec... je t'écoute parler puis il y a de quoi chez vous avec les fenêtres là, puis les fantômes. Je sais pas toi, ton fils aussi avait une histoire à un moment donné. Ah, mon fils qui me dit que le monsieur qui est mort dans le jardin, il rentre par la fenêtre puis il vient te voir en volant la nuit. Oh, God, là. Ça ressemble pas mal à Salem Nut. Ah, oui, vraiment. Hey, merci Clowns pour le host et ses 6 viewers. Bonjour tout le monde. On est en train de parler des 31 jours d'horreur. Et là, on est en train de se faire peur avec des histoires de ce qui s'est passé dans nos maisons. C'est comme moi quand j'habitais à Laval dans un appartement. J'ai peut-être déjà compté ça dans un vieil épisode d'Horror Gamer, mais j'avais vu il y a plusieurs semaines, par exemple, l'activité, le premier, tu sais, quand c'est devenu Du gros boss, ça m'avait fait mon effet tout ça. Puis plusieurs semaines plus tard, on avait l'habitude d'amener le matelas dans le salon. Puis on se faisait une petite soirée, on écoute des films devant la télé en dormant. Puis à un moment donné, j'ai l'habitude de mettre la minuterie, puis je m'endors sur le film. Je me suis réveillé durant la nuit, peut-être 2 heures du matin. La TV est fermée. Puis quand je me réveille, quand la TV est fermée, tu sais, je fais déjà pas bien. Mais j'ai senti des doigts, tu sais, comme me flatter des cheveux. Je me dis, OK, c'est peut-être ma copine qui a su que vu que je me réveillais ou de quoi. J'ai juste soulevé la tête pour regarder. Puis là, j'ai entendu des bruits de pas qui est parti à courir dans ma chambre à coucher. Puis ma copine était à côté de moi, puis elle bougeait pas. Puis là, j'ai vraiment fouillé, puis j'ai vraiment pas de feeling que je me réveillais d'un rêve. Pour moi, c'est arrivé pour vrai, puis ça m'a marqué depuis ce jour-là, puis c'est comme fuck off. Tabarnak, man. Non, t'as jamais raconté ça, puis j'ai des frissons. Puis t'avais pas d'enfant à ce moment-là, là. T'avais pas de petit garçon qui aurait pu faire J'avais ça. pas d'enfant non plus. Fait on était tout seul, puis ça sonnait pas comme quelqu'un qui courait au-dessus de l'appartement. C'est vraiment des bruits de pas qui est parti à courir du salon jusque dans la chambre. J'ai fait tabarnak, je rallume la télé. Fuck off. Mais là, ma peur, moi, avec un garçon, avec un enfant, ça va être justement ce qui arrive souvent aux parents, c'est que tu te réveilles la nuit, puis ton enfant est à côté de toi, à côté du lit, debout, ou dans le cadre de porte, ou peu importe, puis tu entends des histoires de même, des fois, tu fais « Chris, si tu fais pas peur de même, toi! » L'enfant qui est « Oh God, là! » T'sais, pour revenir à l'histoire de mon petit gars, là, qui est pendant le souper, qui fait comme « Papa, j'ai peur! » Puis il est en train de manger, puis c'est pourquoi? Parce que le fantôme est là. Quel fantôme? Le monsieur en blanc, là, t'es comme tabarnak. Mais non, si tu me racontes là, veux-tu m'arrêter? Puis il mangeait. Puis là, t'es comme. Mais là, le monsieur, il fait quoi, là? Raconte-moi pas ça, papa, il a peur, là. Papa, le monsieur, il a un couteau proche de ta gorge. Bouge, papa, reste pas là. Ah, oh, God. Papa, des fois, en moins, non, papa, il est en dessous de la table, il est en petite boule. Non, mais. Oh. God, plus c'est ça qui est drôle, c'est le contraire. C'est lui qui me. À toutes les soirs, là, je vais me coucher, puis il fait, je vais le coucher. Puis il fait, là, tu vas aller faire quoi, papa? Je vais aller faire la vaisselle, puis je vais faire un peu de ramassage. OK, puis après ça, tu vas faire quoi? Je vais écouter un film. Un film qui fait peur? Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton film qui fait peur? Bah, je te dirais pas. C'est tout le temps ça. Puis là, écoute, là, c'est ainsi, tu sais. Genre, hey, je voudrais écouter de la musique. OK. Est-ce que c'est une musique qui fait peur? Ben non, c'est pas une musique qui fait peur. Là, t'es rendu. On va-tu écouter quelque chose qui fait peur? Il y a comme out, là. Mais parlant de choses qui font plus, peut-être moins peur, Michel Soavi. Non, je dis ça de même. je voulais juste trouver un moyen de changer de sujet. Il y a Cynthia Ledoux qui dit moi, j'aime l'obscurité. Ben écoute, j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais je suis un pissou et c'est un peu pour ça que j'aime les films d'horreur. Mais ouais, Michel Soavi, qui est très connu, on en a parlé pour, dans des épisodes d'Horror Gamer pour De la morte et de la mort. Cemetery Man, que vous pouvez trouver en anglais, et sinon Stage Fright. Stage Fright. Ce soir-là, j'ai dérogé de la liste. Alors, on a déjà parlé de la mort et de la mort, mais Stage Fright, que j'aimerais qu'on entende parler aussi. Stage Fright, ben c'est un slasher italien qui se déroule dans une répétition d'une pièce de théâtre mettant en vedette un homme avec une tête de hibou, d'oiseau. Puis là, durant la nuit, il y a une espèce de maniaque qui va s'évader d'un asile, puis il va aller s'intégrer là-bas, puis lui, il va utiliser la tête des hiboux, puis il va s'incruster dans la pièce de théâtre, puis il va commencer à tuer tout le monde. C'est juste un des meilleurs slashers des années 80 qui n'était pas souvent mentionné à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était italien. Souvent, à l'époque, les gens étaient plus... c'était plus pogné sur Dario Argento, le cinéma, le giallo, ces choses-là. Je fais juste t'interrompre deux secondes vas-y. Là-dessus. Je pense que des fois, c'est juste la distribution. T'sais, aujourd'hui, les films sont plus facilement trouvés à ce genre de film-là, je sais pas. T'sais, là, je te dis ça pour lui, je sais pas en tout... cet exemple-là, je sais pas. Mais en général, il y a beaucoup de films qu'une nouvelle génération maintenant vont parler des films, des vieux films d'horreur en disant « Ah, ça, c'est vraiment génial », mais tu sais, moi, quand j'étais ado, on n'avait pas accès, mettons, à ces films-là ou des trucs comme mais ça, tu sais, ça dépend. Mm-hmm. Je sais pas, pour lui, je l'ai jamais vu. Peut-être qu'il était facilement disponible, mais je te dis ça, ça peut être une explication. T'as raison, mais c'était plus facile quand on était jeune, toi puis moi, que les jeunes aujourd'hui avec les DVD, dans le sens que les grosses sections de VHS horrifiques, il y avait beaucoup de films italiens traduits. T'sais, on avait Demon de Lamberto Bava, ouais. Suspiria, ces choses-là d'Argento, c'était plus trouvable. I guess, ceux-là, peut-être qu'il l'était, mais Peut-être que la pochette n'était pas assez vendeuse, je ne sais Peut-être. pas, mais tu sais, en même temps, c'était le, comme j'ai souvent dit, c'était le poulain de Argento. Lui, il était là sur ses tournages, puis il a tout appris de Argento. Puis tu sais, Stage Fright, c'est son premier film, puis tu sens beaucoup l'influence d'Argento. Puis tu sais, au fur et à mesure qu'il va faire des films, il va se créer sa propre personnalité. Puis c'est pas pour rien que Cemetery Man est comme, considéré comme son chef-d'œuvre, parce que c'est une espèce de conte macabre, un love story vraiment creepy avec. C'est quoi déjà le nom de l'acteur Jeff, tu l'avais souvent mentionné, là, mais Ok, très connu à l'époque. j'avais fermé mon micro, c'est Rupert Everett. Rupert Everett, tu sais, qui est phénoménal là-dedans. Puis vraiment, il a créé une espèce de poésie avec le macabre. C'est comme devenu un peu la marque de commerce de ce réalisateur-là, vraiment de créer une poésie avec l'horreur. Puis sa distribution, sa visuelle, sa mise en scène est vraiment fantastique, là. Est-ce que Stage Fright avait des acteurs américains ou anglais ou c'était juste italien? Parce que peut-être que c'est ça qui a aidé Cemetery Man aussi d'avoir un acteur. Ouais. Stage Fright est pas mal juste italien. Fait que, Ouais. ouais, tu sais, les acteurs, dans mes souvenirs, sont pas tant connus, mais c'est juste que c'est un slasher tellement vivant de par sa mise en scène. Tu te retrouves vraiment une mise en scène style de Argento avec des plans incroyables. Tu as une séquence à un moment donné que la fille tente de retrouver la clé pour sortir du bâtiment. Puis le tueur court après, puis à un moment donné, la clé tombe juste dans une craque de plancher de bois. Puis la caméra suit un peu comme la clé qui tombe dans la craque. Puis tu vois la clé en gros format. Puis ce plan-là, il est comme hallucinant. Aujourd'hui, tu verrais ça en CGI. Mais tu sais, à l'époque, ils ont juste utilisé une clé gigantesque avec des morceaux de bois gigantesques pour donner cet effet-là. Mais tu sais, ce film-là est rempli de moments ingénieux en termes de mise en scène. Puis les scènes de meurtre sont écœurantes. C'est assez sanglant puis inventif. Fait tu sais, c'est vraiment comme un slasher de luxe, alors qu'on est habitué à des trucs plus Ouais. bas de gamme, t'sais, en termes de mise en scène, où tu te dis, ben moi j'attends le meurtre, les personnages m'en calissent, l'histoire je m'en calisse. Tandis que là, c'est plus peaufiné, les personnages sont plus agréables, puis le fait que ça se déroule durant une pièce de théâtre, c'est intéressant comme lieu. Puis les gens se mélangent, mais il y a eu Stage Fright des années 2010 et plus, qui n'est pas vraiment un remake. T'sais, souvent, le monde dit que c'est un remake, mais c'est un film musical dans un camp de vacances avec des Ah, troupes. C'est pas vraiment identique, là, mais je le conseille fortement pour ceux qui ne l'ont pas vu. et bien, de la montée de la mort, ben, c'est ça, comme Oui. tu l'as dit, ce film romantique, macabre, avec, on va le dire, une scène de sexe assez langoureuse et sexy, Ouais. là, Ouais, vraiment. comme ce doit d'être une scène de sexe, là, tu Ou sais. la séquence que tu vois, la faucheuse, là, qui est tellement écœurante. Oui, Visuellement, la on dirait faucheuse que. est débile. Puis, tu sais, si je me trompe pas, je pense que Del Toro a beaucoup été influencé par Cemetery Man pour son style visuel. Puis surtout, je pense dans. C'est-tu dans Hellboy 2 qui utilise une créature avec des ailes similaires à celle à celle-là? En tout cas, il me semble Souviens qu'il y a une pas. influence par rapport à ça de Del Toro. Ça se pourrait très bien, mais non, c'est ça. Je pense qu'avec ces deux films-là, vous allez être servi pour connaître Michel Soavi. Puis on en avait parlé qu'il avait commencé, c'est ça, en tant qu'assistant de réalisateur, genre dans des films comme Demons, de Bava. Tu sais, il a comme côtoyé beaucoup de gros noms, en tout cas. Tu sais, il a participé à beaucoup de grands films avant Mais de c'est faire les drôle, siennes. mais il y a bien des réalisateurs qui, avant d'être réalisateurs, souvent c'est des assistants ou des acteurs. Mais tu sais, tu prends par exemple Jackie Chan, qu'au début de sa carrière, c'était juste un acteur qui joue dans tellement de productions. Mais lui, à toutes les fois qu'il était sur un plateau de tournage, il demandait au réalisateur, ça serait quoi ce piton-là? Pourquoi tu places la caméra ici, ici, ici? Il a appris au fil des années, puis quand il est venu pour tourner ses propres films, il a pris son bagage de tout ce qu'il a appris avec les réalisateurs. Puis aujourd'hui, c'est un gars qui est capable de réaliser des scènes d'action, puis qui est vraiment comme. Il n'a pas été à l'école de cinéma, rien. Lui, il a vraiment juste tout appris, parce que c'était Monsieur Curieux qui posait des questions. Puis, tu sais, ça a dû être ça qui est arrivé un peu avec Michel Soavi. Tu sais, avec Argento, il le voyait aller, puis ça l'a beaucoup inspiré, puis ça a donné ce que ça donne maintenant, là. Vraiment. Puis, donc, c'est ça. Ça reste quelqu'un qui a un style visuel à lui, même si on pourrait justement penser qu'il aurait juste copié ceux qui étaient les bigs de l'époque. Est-ce qu'on prend une petite pause musicale, les amis? Bien sûr. Oui. Jeff, as-tu fait tes devoirs? Oui. Hey, juste avant la pause musicale, je voulais le dire live, là, parce que c'est quand même le genre de truc qu'on trouve cool, mais je voulais dire merci à Stéphanie d'Andreville d'être une nouvelle patronne pour nous. Alors, un gros shout-out sur le chat. Allez-y. Steph, on t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez faire comme Steph, vous avez juste à vous rendre sur le patreon.com/fanregardesfilms. Puis allez nous encourager. Ça prend pas grand chose et ça fait beaucoup plaisir. Pour nous autres, c'est le plus gros des merci. Et pour le prix d'un café, d'un sandwich ou whatever par mois, vous pouvez rendre des gens heureux. Et Jeff, qu'est-ce que tu as choisi pour nous parmi les suggestions de Guillaume Couture, qui nous a fait des suggestions musicales cette semaine vraiment intéressantes? Ouais, j'ai choisi la chanson québécoise SOS Fantôme de Extério. Ouais. OK. Alors, ben, on y va avec Extério et SOS Fantôme, puis on se retrouve après pour la suite des 31 jours d'horreur. On est de retour après cette chanson d'Extério. Alors, on espère que vous avez aimé ça, puis on espère que vous attendiez pas à avoir la vraie chanson de Ghostbusters. Je n'êtes pas déçu. Mais donc, pour revenir à nos moutons, parce qu'on a toute une soirée encore à passer avec vous, et c'est maintenant le temps de parler de Rachel Talalay. Talalay, T-A-L-A-L-A-Y. Il y a beaucoup de A. Je ne sais pas si c'est le même qu'il faut le dire. Ça semblait être ton choix, Jeff. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ben, comme je disais, j'ai coché les femmes dans la liste que tu avais proposées. Elle a fait un Freddy, je l'ai vu, mais c'est pas le meilleur. Freddy moi, 6, c'est ça? Ouais. Ouais, je te dirais que c'est probablement le... Ah oui, je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu, j'étais comme, my God, c'est mauvais cette affaire-là. Moi, je l'ai écouté cette semaine, parce que je l'ai vu une fois, je l'avais trouvé merdique, puis j'étais jeune. Puis là, je m'étais dit, je vais l'écouter, parce que, coudon, on est dans les 31 jours d'horreur, puis c'est ça qu'il y avait sur la liste. Puis c'est ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. À 45 minutes, 50 minutes, je me suis endormi. Je me suis réveillé, c'était le combat de la fin entre Freddy et sa fille. Puis là, j'ai fait comme, hey, j'étais bien, puis j'étais retourné me coucher. Pourtant, les 10 premières minutes, ça arrête pas, là. Ah, mais ils sont plates à mort, là. La première fois que tu vois Freddy apparaître dans ce film-là, c'est en parodie de La sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz. Ouais. Ah, God, mais c'est vraiment, moi, je pense que c'est le pire Freddy. Non, moi, je pense c'est là où c'est que. Il n'y a aucune inventivité dans la réalisation. Ma blonde était à côté de moi. Elle fait comme, bon, elle faisait ses affaires, là, puis elle écoutait le film un peu. Puis, maintenant, elle fait, c'est moi qui manque un bout. Ben, les personnages, ils avancent trop vite dans l'intrigue. Vraiment, là, moi, j'étais comme, non, je comprends pas pourquoi ils sont rendus loin comme ça dans leur déduction puis dans leur compréhension de la situation. Tu sais, à un moment donné, ils se mettent à parler de Freddy, je fais comme, vous savez, c'est qui Freddy tout d'un coup? Puis là, tu sais, là, ils sont tellement rendus loin de faire attention, il faut découvrir ta affaire. Ah, Freddy a une fille. J'étais comme, hey, wow, là, vous savez même pas encore qui est Freddy, vous êtes déjà en train de chercher sa fille. Là, j'étais comme, ça n'a pas de rapport. Ah, oh, man! Puis, c'est ça, les kills, le flow qui se fait tuer comme dans un jeu vidéo que Freddy contrôle avec le Power Glove. Mais comme dit Sako, la scène de l'oreille est quand même nice. Oui, ben, le cure-oreille, oui, ouais. Pas la scène de l'oreille. Non, salut, non. Gab, merci d'être arrivé sur le chat. Non, c'est ça, toute la scène de l'oreille, c'est long puis c'est pénible pour rien. Mais c'est quoi? Ah, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Là. Ce film-là transgresse, on dirait, les règles des autres Freddy. Sur ce que Freddy peut faire, puis la téléportation des personnes qui apparaissent d'un coup, ben qui disparaissent s'ils sont dans le rêve ou pas. Puis... Je sais pas, tu sais, je pense que c'était la première réalisation de Rachel, puis elle voulait y aller de façon ambitieuse, puis elle disait qu'elle voulait aller au profond des origines de Freddy, puis aller plus loin dans la mythologie, puis ces choses-là, mais c'est comme, elle se plante solidement. Puis, juste l'idée, tu sais, d'intégrer la fille de Freddy, le fait qu'il y ait une fille qui sort de nulle part, ça n'a jamais vraiment été précisé dans les autres films qu'il pourrait avoir un enfant. Fait que c'est... Les démons qui cherchaient quelqu'un de vraiment vilain pour lui donner le pouvoir de tuer des gens dans les rêves. T'es comme, ah, oh, sérieux, là, en plus, c'est des démons qui ont donné ce pouvoir-là. T'sais. Puis, tu sais, de voir avant que Freddy soit Freddy là, en humain, tu sais, comment il est fucked up. Là, il se frappe à coups de ceinture dans le dos. Son père le frappe à coups de ceinture. Tu sais, c'est comme le cliché du meurtrier là, qui est méchant parce que les parents sont méchants. Puis on avait déjà eu l'explication que Freddy était né d'une nonne qui avait été violée. C'est ouais. Ça? Tu sais, là, ouais, t'es comme, arrêtez d'en rajouter, ça n'a plus de rapport. C'est le mal incarné. Mais tu sais, tandis que dans le premier, c'était juste parfait. Là. C'est un violeur d'enfants, tueur qui est brûlé. C'est devenu le Freddy Show. Puis tu sais, celui-là, je pense, c'est vraiment, on dirait que celui-là qui vient, on dirait qu'il essaie d'aller chercher les jeunes. Tu sais, Freddy qui joue à des jeux, puis Freddy qui dit que c'est cool, les graphiques dans ça. Fait que tu sais, t'es comme... Fait une joke de Power Glove, puis now I play with power. Puis t'es comme, oh mon Dieu. Puis, même moi, à l'époque, quand il est sorti, là, j'étais un gars de jeux vidéo, puis de Nintendo, puis j'étais comme, hey, fuck you, Freddy, là, ta gueule. Tu joues pour Nintendo, là, tu sais, arrête de me faire, peut-être de me prendre pour une valise. Tu sais, tu fais des jokes de Nintendo, t'es même pas foutu de faire un jeu vidéo comme du monde dans ton affaire. Je comprends même pas qu'est-ce que tu contrôles, je comprends rien. C'était tellement mal fait. Là. Tu vois que Rachel Talalay a fait comme, ouais, Mandy, il va jouer à des jeux vidéo. As-tu déjà joué à des jeux vidéo, Rachel? Non, mais j'ai déjà regardé une console d'un magasin. sais, c'est à peu près ça. Je sais que les gens payent sur des pitons puis il arrive de quoi à l'écran. Ça ressemble à peu près à ça. Là. C'est ridicule. mais non, c'était décourageant, mais j'ai vraiment bien dormi. Et ça a donné une séquence de Messenger entre moi et Steven le lendemain qui était tout à fait délicieuse. De moi qui demande à Steven, « Hey, Steven, c'est-tu dangereux de s'endormir pendant un Freddy? » Ah oui, c'est vrai. Steven qui fait comme, « Ben, c'est possible. » Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'infirmière au gros toton qui est devant moi, c'est peut-être pas vrai. Et là, c'est ensuivi un enchaînement de gags tous plus délicieux les uns que les autres. Les deux autres films qu'elle a fait après, avez-vous vu Ghost in the Machine, 1993? Oui, je te dirais que celui-là est un peu plus un peu plus sympathique. Je l'aime bien, celui-là, c'est comme un genre de tueur qui utilise l'électricité pour tuer des gens, il peut allumer des fours, ces trucs-là avec une petite famille. Là. Fait que c'est mieux que Freddy, c'est mettons, là. C'est sympathique. Puis Tank Girl, tu l'as vu? Je sais que Chantal, elle connaît bien. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois aussi. Là, mais... Chantal est fan. Moi, je l'ai découvert pour la première fois avec le Blu-ray de Shout Factory, puis j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment eu du fun. Ça a vraiment le feeling d'un comic book live, mais avec un côté steampunk vraiment rebelle, puis avec des personnages vraiment le fun. T'as Laurie Petty qui est badass là-dedans, puis t'as Malcolm McDowell qui est le fun en méchant là-dedans. Là, il est vraiment trippant. Non, j'ai vraiment eu du fun avec ça. Enfin, je te dirais, tu sais, Freddy, c'est vraiment un mauvais pas, mais je trouve qu'elle est quand même, elle se débrouille bien avec les deux. Après ça, elle a fait sa carrière, le reste de sa carrière, c'était à la TV. Là, tu sais, puis je regarde les dernières années, elle a fait, tu sais, genre, bon, Supergirl, c'est moyen, mais tu sais, elle a fait Sherlock, Doctor Who, The Flash, Iron Fist, Riverdale, American Gods, des séries quand même. Ouais, vraiment des séries. Bien en vue, je veux dire, c'est populaire. Ouais, tout, là, fait que... Quand on regarde. La filmographie de certains réalisateurs ou réalisatrices qu'on pense qu'ils ont disparu, là, tu regardes ça puis tu finis par te rendre compte que ils sont juste rendus qu'ils réalisent des séries à tonnes là, parce que tu sais, c'est là qu'elle est en plus, c'est là qu'il y a le cash. Deviens réalisateur ou réalisatrice pour une série comme justement une série Netflix, je sais pas, Daredevil, là, tu fais comme je viens de mettre le pied dans la porte puis go, j'ai plus besoin de faire de film. Là. Mais c'est que tu deviens un réalisateur ou une réalisatrice, ça commence. C'est ça. Tu ne fais plus quelque chose. Mais si tu regardes sa filmographie à elle, c'est un épisode ou deux ou trois ou quatre de chacune de ces séries-là. C'est pas la série complète. C'est pas... Non, c'est ça. C'est pas son bébé. Ce sera jamais. C'est ça. Ça coûte, comme on te demande si c'est dans le 6 ou dans le 5 que Freddy fait du skate. Je te confirme que c'est dans le 5, dans une scène en noir et blanc qui sort d'une bande dessinée, en fait. Là. Il y a Véronique qui dit si Freddy est né d'une nonne violée par des dizaines d'hommes, comment il peut avoir un père violent? Faut arrêter adopter, je sais pas. Regarde. Le 5 disait des mensonges. La vraie histoire, c'est le 6. C'était des flashbacks. Là, on l'a vu de nos yeux. On l'a vu. J'étais témoin, là. La pellicule était témoin. Avant, c'était des racontards. autre chose à dire sur Rachel Talley? Non. Désolé pour le choix. non, c'est correct. Regarde, c'est correct parce que là, on passe de celle qui a fait le pire Freddy à un qui a fait un des meilleurs Freddy, c'est Wes Craven. parce que le lendemain, c'était Wes Craven. Wes Craven, je fais une petite parenthèse. Wes Craven aussi était la réponse à la question de notre deuxième semaine de concours des 31 jours d'horreur, parce que pendant nos 31 jours d'horreur, vous savez, il y a des concours. Et sur notre page, il y a un formulaire à chaque semaine, la question change. Vous pouvez participer 4 fois, une fois par semaine. Et cette semaine, la question, c'était Wes Craven. C'est pas la question, c'est Wes Craven? Non, c'est pas la réponse à la question était Wes Craven. Parce que c'était des gens qui étaient le réalisateur pour la. J'allais dire, tu joues à la Jeopardy, là, tu donnes la réponse. Tu donnes les puis on pose. Wes Craven. Wes Craven. Qui est Wes Craven? Écoutez. Mais, puis c'est ça, puis. J'aimerais dire, là, je sais qu'il n'y a personne sur le chat vraiment là-dedans, puis salut Maxime, content que tu sois là. Il n'y a personne sur le chat, ou en tout cas qui nous écoute live, qui sont ce genre-là, mais arrêtez de participer à tous les jours. Arrêtez de participer à tous les jours. Ça m'énerve. J'ai reçu des courriels, là, puis c'est comme, encore un tel, je les ai barrés. Là. C'est écrit une participation par jour par personne, sinon toute participation sera annulée. Vous êtes annulé depuis le deuxième jour des 31 jours d'horreur. C'est débile. J'ai annulé du monde. Il y en a que je comprends. Des fois, il y en a que je vois comme c'est deux fois la même affaire envoyée à la même seconde. Je me dis, la personne a double-cliqué. Ou des fois, il manquait la réponse, puis elle l'a renvoyé avec la bonne réponse. C'est correct. Mais là, écoute, j'avais quelqu'un qui participait, là, puis à tous les jours, il écrivait le réalisateur ou la réalisatrice du jour. J'étais comme... En plus, tu n'es même pas foutu de lire la question. La question, c'est quel est le réalisateur qu'on doit écouter le 12 octobre? Puis il écrivait celui de la journée. Puis là, t'es comme, tabarnak, arrête. Et c'est un peu pour ça de toutes ces personnes qui trichent puis qui ont des faux comptes qu'on n'a fait plus de concours live parce qu'on s'est fait prendre la semaine passée. Et ben écoutez, non, tout ça pour. Ben, regarde, on ne parlera pas de concours pendant une demi-heure. Je rementionnerai ça à la fin. On veut parler de Wes Craven. Hey, Wes Craven, yes. On pourrait faire un épisode au complet dessus. Là. Puis c'est plate, c'est Vicky qui voulait qu'on parle de Wes Craven. Ah non, elle voulait parler de Eli Roth, on est correct. de deux mondes à part. Wes Craven, qu'on peut dire sur Wes Craven? Moi, j'ai de la misère à trouver sa. Touch, par exemple. Autant que Rémi, tantôt, on était capable de dire, sans Rémi, on pouvait dire quelque chose pour lui, mais Wes Craven, je sais pas. Ben, c'est drôle parce que j'allais dire la même chose. Quand il est décédé, il y a eu des épisodes spéciaux. Je pense que nous autres, on en a fait un, je suis pas sûr, mais j'en faisais pas partie. Mais Horror Web n'avait fait un. Puis ouais. J'étais comme. Mais je reconnais son statut, mais je suis pas nécessairement un gros fan. J'ai vu beaucoup de ses films, mais j'ai. Je vois pas sa patte de réalisateur. Je la saisis pas. Je saisis pas cette adulation que les gens ont pour lui, à part d'un bon créateur de franchise. Je sais pas. Là, Wes Craven, c'est juste un réalisateur qui a influencé et changé le cinéma d'horreur sur 3 décennies. Ça serait dommage de. Ce serait dommage de autant l'abaisser parce que j'étais des années 70 avec The Hills of Ice et Last House on the Left. Ça a beaucoup influencé le cinéma d'horreur dans cette vague-là. Dans les années 80, alors que c'était le slasher qui était à la mode, Wes Craven, encore une fois, il a joué avec les codes puis complètement amené ça ailleurs avec A Nightmare on Elm Street, qui ensuite a influencé tellement les films suivants. T'as tellement de films qui a essayé de jouer là-dessus, puis même des films que Wes Craven a essayé de faire. De sortir de ça, les producteurs étaient comme ouais, mais ça faudrait t'incruser des rêves dans tes films. Tu sais, Deadly Friend, là, qui était un genre de Frankenstein avec des jeunes, ben, même là-dedans, il fallait qu'il y ait une scène, aucun lien qui semble sortir d'un Freddy parce que les producteurs poussaient là-dessus. Puis, comment pas mentionner les années 90 avec Scream, qui a amené une vague. Avec Scream, il a créé un genre, une vague qui a influencé ça pendant fucking des années. Puis même des années des débuts des années 2000, ça l'a encore beaucoup influencé. C'est ça qui arrive, c'est que Wes Craven, il n'y a peut-être pas une filmographie parfaite du début jusqu'à la fin, puis plein de chefs-d'œuvre, mais il y a quand même 3 films sur 3 décennies qui ont été des game changers. Ça a été des game changers dans le cinéma d'horreur. Ah ouais. Entre ça, je pense qu'il y a des films d'horreur vraiment sous-estimés, selon moi. T'sais, j'aime beaucoup. The Snake in the Rainbow, The Serpent in the Rainbow et Bill Pullman, ouais, des années 90, qui était un genre de film sur la magie noire. C'était un peu populaire à l'époque, ce thème-là. Puis c'est un film qu'il faut revisiter, qui est vraiment le fun. Ou même Shocker, qui est un autre slasher qui est un peu un mash-up de ce que Craven avait fait avec Freddy. C'est juste que là, le gars, au lieu de se promener des rêves, se promène avec l'électricité, puis il peut se téléporter les victimes. Mais. Le sol de la peur aussi, tu sais, que c'est un film que j'ai écouté souvent quand j'étais jeune, The People on the Stage, j'aimais beaucoup. Puis c'est plate parce que, tu sais, après ça, c'est sûr que sa filmographie finit par se changer parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chance avec les studios. Il a refait équipe avec Kevin Williamson pour le film Curse, qui était sans doute peut-être son game changer pour les films de loup-garou. Puis le studio a tellement détesté le film qu'il a dû retourner un film au complet. Enfin, je sais pas à quoi ça ressemblait la première version, mais. C'est dommage. Entre ça, il avait fait un petit trailer qui s'appelait Red Eye. J'avais adoré. Oui, c'est vraiment efficace. C'est sympathique. Ça sort un peu de la zone de confort de ce qu'on est habitué avec Craven. Le gars, il est vraiment expérimenté dans tous les domaines. C'est juste ça n'a pas tout le temps fonctionné. T'sais, il suffit de penser aussi à New Nightmare. Wes Grayman en avait plein le cul de voir Freddy, qu'est-ce qu'il était devenu. Lui, il déteste toutes les suites. Là. À la limite, je pense qu'il peut-être qu'il apprécie le 3, mais même là, je pense qu'il était vraiment pas fan. Puis là, il s'est dit, comment on peut ramener la série sur le droit chemin, mais il faut tuer Freddy. Puis tu sais, l'espèce d'aspect méta que Rob Englund, ce Freddy-là, ce qui est devenu un clown, est seulement juste une image d'une industrie qui est en train de pourrir, mais lui, il incruste son Freddy des rêves à lui qui est encore terrifiant dans tout ça. Tu sais, c'est pas un film parfait, mais l'aspect méta qui amenait dans ça, je trouvais que c'était rafraîchissant, puis ça ramenait la série sur le droit chemin. C'est juste dommage que, encore une fois, c'est un film qui n'a pas vraiment marché, puis Graven n'a juste pas eu beaucoup de chance avec les studios. Ben, tu sais, New Nightmare, c'est, ce qui est arrivé, c'est que là, on venait d'avoir deux Freddy qui étaient so-so, puis là, on se disait, on veut, puis tu sais, on voulait avoir encore un Freddy, un vrai Freddy show, là, comme dans le 3, là, tu sais, là, quelque chose de solide. Puis là, il est revenu avec quelque chose de creepy comme dans le premier, puis là, on fait comme, oups, OK, c'est pas ça qu'on s'attendait, là, tout le monde a déchanté. Mais pourtant, A New Nightmare, c'est probablement un des Freddy qu'à l'époque, quand tu l'écoutais pour la première fois, tu faisais comme, ah, quoi? Mais que c'est probablement celui qui a le mieux vieilli, dans le sens que notre appréciation augmente en le réécoutant. Quand j'étais jeune, il y a des séquences, là, tu sais, le fait que l'actrice qui joue Nancy, tu vois sa vie un peu, puis comment ça se passait. Puis, tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de bouts de vérité, tu sais, qui étaient harcelés par téléphone, par des fans ou des trucs de même. Puis, les séquences où que durant la nuit, elle se réveille, puis elle entend le film A Nightmare on Elm Street qui joue à la télé, puis elle voit son jeune garçon somnambule qui est en train d'écouter ça. C'est des scènes qui me faisaient freaker quand j'étais jeune. C'était un film-là en termes d'horreur, je trouvais qu'on en revenait à quoi qui pouvait faire peur. Tu sais, un Freddy qui fait peur, fuck. Je pense qu'on n'avait jamais revu ça depuis, justement, là, premier. Puis tu sais, même le deuxième, qui n'était pas tant aimé, un côté vraiment horreur qui est quand même bien présent. Là, puis Freddy n'est pas trop un clown. Non, vraiment pas. C'est plus le film qui est un peu... un peu boboche, mais... C'est ça. Il y a du clownesque en dehors de Freddy, malheureusement. Tu parles du petit garçon. C'est le petit garçon dans Pet Sematary. Ouais, exact. Ouais. Petit garçon. Ah oui, dans c'est Night vrai. Dans New Nightmare. Oui, il est un petit peu plus vieux, ouais, c'est ça. Il est vraiment bon. C'est vraiment bon acteur. C'est pas pour rien qu'il le prenait, là. Ben, surtout à l'époque. Il y a une séquence dans celui-là où il voit à l'hôpital sa babysitter se faire traîner au plafond par Freddy avec une lignée de sang, puis sa réaction du jeune garçon qui panique en pleurant, hein, c'est débile. C'est comme, asti qui est bon. Ouais. C'est... Ouais. Trouver des enfants qui jouent aussi bien, là, c'est quand même une denrée rare. Là. Ouais, mais hein, surtout dans l'horreur, parce qu'il faut qu'ils jouent des émotions assez extrêmes, souvent. Ouais. je sais pas comment sinon, dans ce temps-là. Vraiment, parce que tu sais qu'il faut pas qu'il commence à être dit. Fait que là, ta gardienne est morte! Je suis même pas sûr s'il voit le film. Un gars qui t'arde, non, c'est ça. Je pense pas, non. Comme Pet Sematary, je suis pas sûr que tu montes ça à ce flot-là, à l'âge qu'il a, tu sais. Dans... Mais non. Je sais pas comment. Maman, pourquoi j'arrache la gorge du monsieur avec ma bouche? Sérieux, là, Pet Sematary, là, je pense que c'est le best côté interprétation d'enfant. Là. Surtout c'est parce que l'âge qu'il a. Ben oui, c'est ça. Je sais pas quel âge qu'il avait. Là, ah, il était très, très, très jeune, hein, c'est fou. T'sais, je regarde Elliot puis je me dis que c'est à peu près son âge, là. T'sais, mon petit bonhomme, là. Puis je me dis, voyons donc, je pourrais pas demander de faire ça. Là. Si je vous demande, puis ça c'est rough. Là, si je vous demande votre préféré de Craven, sur le chat aussi, je vous le demande. C'est un des réalisateurs que ça change constamment parce qu'avant, j'étais un peu comme GF, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, j'étais pas tant Craven malgré que je respectais tout ça. Puis au fur et à mesure, je revois de plus en plus sa filmo, j'aime de plus en plus ses œuvres. Comme pour moi, The Hills Have Eyes, j'ai tout le temps préféré le remake de Aja. Pour moi, l'original, c'est une genre de série Z. Je l'ai réécouté dans sa nouvelle édition de Arrow, puis j'étais comme. Aussi que j'ai vu que c'était une série Z, man. J'étais vraiment sur le cul par rapport au film, puis je l'ai vraiment revu à la hausse. Fait que... Steven, tu prends un film qu'il déteste, tu le remaster en 4K, puis voilà. Le 4K fait toute la différence. comment j'ai pu penser que c'était cheap, ce film-là? C'est remasteré, Steven. Mais le premier Freddy. Ma réponse, c'est le premier Freddy. C'est ça, reste. Ouais. C'est un excellent film d'horreur. J'arrive pas à choisir, on dirait. Je pense que je vais y aller avec Scream, moi. Parce qu'à l'époque, je pense que je me souviens quand j'ai écouté Scream à l'époque, je me suis vraiment dit, tabarnache, qu'est-ce que c'est que je suis en train d'écouter? Tu sais, là, vraiment, là, tu te rends compte, tu sais, quand t'écoutes un film, tu fais comme, OK, là, je suis en train d'écouter quelque chose qui va... J'écoute pas un film qu'on va oublier la semaine prochaine. Tu sais, c'est plate parce qu'à l'époque, ce film-là, tout le monde capotait, c'était une bombe, tatatatata, mais justement, tu sais, l'effet d'un film qui est un game changer où toutes les autres vont finir par copier, tu revois, on dirait, à la baisse où les gens dégradent plus l'œuvre originale, puis avec les années, pratiquement, ils détestent. Par exemple, Activité, c'est ça qui est arrivé. Le premier, tu sais, pour moi, c'était quelque chose de wow, puis là, ça a tellement été copié qu'à un moment donné, tu te dis, tu vas te descendre le premier apparemment. Mais Scream, Chris, réécoute-les, puis. C'est la fucking bombe, là. La scène d'intro, les personnages. Tu sais, t'aimes les personnages là-dedans, puis la manière que Craven joue avec les codes. Puis sa manière d'avoir buildé son suspense à savoir qui est le tueur. Oui, puis les poursuites. Portez attention à la mise en scène durant les poursuites dans la maison. C'est vraiment, en termes de mise en scène, c'est génial. Là. Aujourd'hui, il y a bien. C'est ça qui est drôle. Là. C'est qu'aujourd'hui, tu réécoutes Scream, tu fais comme. Ben oui, c'est cliché. Non, arrêtez de dire que c'est cliché. De un, il utilise ses clichés, il est détruit, puis il en crée. Il en crée, tu sais. L'idée que, bon, il y a deux tueurs, tu sais, c'est rendu cliché. Ben c'est ça qui arrive, tu sais, l'espèce de... le tueur, c'est quelqu'un de la famille ou ces trucs-là, tu sais, par la suite, ça a tellement été refait, puis copié, puis même en parodie, qu'à un moment donné, tu sais, ça... Alors que là, c'était... C'était nouveau. C'était nouveau, puis c'était solide, là, tu sais. Parce que là, tu faisais le bon vieux réflexe de « on est tous un détective quand on écoute un whodunit », là. Ouais. Là, fait comme, ça peut pas être lui, OK. Ça peut pas être lui, ça peut, tu sais. Mais là, à partir de ce film-là, tu fais comme « OK, là, il faut que je sois doublement efficace. » Puis là, moi puis ma blonde, on a aimé les deux saisons de la série Scream, là. Puis la série Scream, c'est ça tout le long. On dirait que la série le sait que tu vas faire comme... Ça peut pas être elle. Mais peut-être qu'elle est là en même temps que le tueur pour qu'on pense qu'elle n'est pas avec le tueur. Mais finalement, c'était juste pour faire croire aux autres que t'es rendu t'es troisième niveau de détective. Là, ça n'a plus de rapport. Puis, tu sais, je me souviens dans la première saison de la série Scream, ma blonde avait fait comme « Ah ouais, ce ne sera pas un tel. C'est pas un tel le tueur. » J'ai fait comme ça, là. Là, c'est une scène pour nous faire croire que c'est pas lui ou elle, je me souviens pas. Parce que là, check comment le tueur agit, je suis sûr qu'elle est dans le coup. Je me suis fait avoir. J'avais raison aussi. Moi, je me suis fait avoir, j'ai pas deviné c'était qui, mais j'ai été un détracteur à l'époque. Tu sais, j'étais comme oh, Scream série faite par MTV, fuck off, man, ça m'intéresse pas. Puis finalement, j'ai vraiment eu du fun, puis j'ai adoré les personnages de la saison 1 de Scream. Sérieux, ouais, ça a été une surprise. Vraiment, vraiment intéressant comme. Non, moi aussi, j'ai pas vu la 2, mais j'ai adoré la première. La 2 vaut le coup. La 2 vaut le coup, mais c'est plate parce que ça se termine avec un épisode de trop que tu sens qu'ils ont fait juste pour clore des trucs parce qu'il était supposé avoir une troisième saison. C'était abusé, c'est vraiment dommage. Après, ben, Wes Craven, écoutez, c'est celui d'aujourd'hui. Et j'ai nommé Master Argento. Oh boy. Ouais. Ouais. Dario, de son petit nom. Dario Argento, si on y va vite comme ça, ben, sa filmographie, c'est. Tout le monde va voir. C'est Suspiria, c'est Mother. Hein, t'as pris comment. Mother. Ben, je dirais pas en premier Mother of Tears, mais Inferno, Opéra, Deep Red, je veux dire. Puis, le film avec Jennifer Connelly. Phenomena. Ouais. C'est des tonnes. Moi, je suis un néophyte de Argento. Je l'avoue. Mais je suis un fan de Suspiria. Et c'est vraiment bizarre parce que j'écoute jamais rien d'autre d'Argento. J'ai vu Phenomena parce qu'on avait parlé pour un podcast. Mais sinon, j'ai rien vu d'autre d'Argento. Et on dirait qu'à toutes les fois, je fais comme j'ai peur d'écouter quelque chose qui va faire comme scraper ce que j'aime de ce gars-là. Parce que je sais que sa filmographie n'est pas parfaite. Non, mais si tu vas dans les valeurs sûres, tu peux pas moins aimer ça. Je veux dire, si t'aimes Suspiria, tu peux pas aimer Inferno. Tu retrouves le même délire cauchemardesque dans les couleurs, le visuel, puis le non-sens de tout ce qui arrive. Je vois mal pourquoi t'aimerais pas ça. Puis je pense que t'avais beaucoup aimé Phenomena. Moi, je pense que c'est pas loin d'être mon préféré. En tout cas, c'est dans mon top 3. Puis je suis un gros fan, là, le côté giallo mélangé avec du surnaturel. Puis Jennifer Connelly, tu sais, j'ai tout le temps eu un crush sur elle depuis Labyrinthe quand j'étais jeune. Puis Argento, c'est juste un master de la caméra, puis un des maîtres forts dans le visuel puis le giallo, je veux dire, fuck, ça, tu pourrais faire une thèse puis un épisode de 3 heures sur Argento puis t'en aurais pas fini. Puis tu sais, oui, c'est plate parce qu'il fait partie des grands qui, malheureusement, ont sombré dans les merdes avec les années, puis t'es comme, ok, je pense qu'il serait temps de prendre ta retraite, là, parce que Dracula 3D, là, non. Oh, John, oh man, c'est vrai, il avait fait ça. Toi, Jeff, Argento. Excuse-moi, j'avais fermé le micro. J'étais en train de checker 2 secondes pour la saison 3 de Scream parce que j'avais lu quelque chose aujourd'hui, je me souviens pas, ouais, d'un dernier jour. Puis, ça va revenir, quoi. Les dernières nouvelles que j'ai lues, c'est Mary J. Blige a été nommée dans le cast et tout ça. Mais oui, il est supposé avoir une saison 3. Ah, okay. Avec les mêmes personnages? Je pense qu'il recommence. Je pense qu'il recommence. C'est un reboot. Ouais. C'est ça qui m'avait gossé, c'est que les personnages ont été attachés. Non, vas-y, excuse. Non, c'est beau. On lâche Scream. Ah, ben, je vais être plate encore. Je suis pas un grand fan d'Argento. J'ai pas vu tant de choses que ça, à part Phenomena, puis Suspiria, il y a très très longtemps. Puis il faudrait que je le revoie à un moment donné. Il faudrait vraiment que je le revoie. Puis Dracula 3D, je l'ai même pas fini. C'était de la grosse. Bon, c'est normal. Hein? Mais je suis. Encore là, je vois pas non plus pourquoi il y a un tel engouement autour de lui. Je n'ai pas assez vu, là. Je comprends juste pas, mais c'est ça. En fait, j'ai rien à dire. Je sais pas. J'ai pas d'attachement spécial avec lui. Tu sais, j'ai vu ça. Je me rappelle que quand j'étais jeune, moi, mon film d'horreur préféré, ça reste tout le temps Dawn of the Dead de George Romero. Puis c'est lui que. C'est Argento qui a fait la version pour l'Europe, qui a fait le montage et tout ça, qui s'appelait Zombie. Puis j'aimais pas vraiment sa version, qui était trop portée sous l'action, puis qui enlevait plein de scènes cruciales, je trouvais, au film, tu sais, puis il avait changé la musique aussi, puis tout. Fait que, je sais pas, j'avais cette impression d'un gars qui était plus axé sur sur ce qui était commercial ou sur l'action. C'était une mauvaise impression, je le sais, mais j'ai peut-être évolué avec ça un peu, mais... J'ai pas donné de chance. Tout ça pour dire ça. Puis, est-ce qu'on était excité par le remake de Suspiria? Ben non, c'est pas une des grosses attentes de l'année. Non, c'est pas une des plus grosses attentes. C'est... Surtout que moi, il faut que je les baisse mes attentes parce que c'est sûr que je l'aurais pas ici, tabarnak. vous allez pouvoir l'écouter chez vous, là, mais moi, c'est sûr. Oui, c'est le 9 novembre au cinéma du parc. Moi, je vais être là. Ah, si, Monac. Puis il y a Véronique qui dit « Je ne file pas le remake. » On le file. Nous autres, on le file. Là. C'est débile. J'arrête jamais de le dire, là, mais depuis, je mouille ma petite culotte depuis que je sais que c'est Tom York qui a composé la bande sonore complète. Tout ce qui a été dévoilé pour l'instant de la bande sonore, je suis vraiment content parce que je vois qu'il a ajouté sa couleur. Mais du gros calibre derrière la caméra, tu sais. Du gros calibre, ouais, c'est ça. Puis les images qu'on a vues, on voit quelqu'un qui n'a pas été chercher le visuel d'Argento, mais qui a réussi, qui je pense en tout cas, a essayé de créer son visuel à lui. Il a l'air d'avoir des scènes fortes. J'y crois. J'ai quoi? Je trouve que c'est un film qui peut. Sa base est là, mais il y a tellement un fort visuel, puis l'aura autour de l'original est tellement forte que c'est facile d'en sortir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est facile de faire quelque chose de différent de ce qui est fait parce que c'était tellement particulier. T'sais, des fois, tu regardes. Tu ne pouvais pas juste revenir avec un film coloré visuellement, avec des couleurs, puis se la jouer. Tu sais, je veux dire, en ce moment, on a les deux réalisateurs de Hammer qui ont fait aussi L'étrange couleur des armes de ton corps, puis Laisser bronzer les cadavres récemment, qui sont le top, le summum de ce qui est le giallo, puis le style d'Argento. Eux, ils l'exploitent comme à son paroxysme. Tu sais, il n'y a personne qui peut arriver à égaliser ça. Je veux dire, rendu là, t'as pas le choix d'aller ailleurs. Puis surtout avec un chef-d'œuvre comme Suspiria, faut que t'arrives à prendre cette histoire-là puis d'aller ailleurs. Là, t'as pas le choix. Là. Vraiment. En tout cas, puis il mélange pas aussi l'histoire d'un autre de cette trilogie-là? Je sais pas ça, par contre. Il me semble que j'avais entendu dire qu'il ne faisait pas juste l'histoire de Suspiria. En tout cas, je me trompe peut-être. J'essaie de pas trop en lire non plus. Là. Non, c'est ça, moi aussi. Là, j'ai arrêté de regarder les trailers, là, j'ai vu le premier, c'est correct, on est convaincu. C'est ce qui met fin à nos réalisateurs et réalisatrices des 31 jours dehors de cette semaine. Mais j'ai quand même le goût qu'on parle de certains films qu'on a vus qui ont dérogé, ou peut-être séries qui ont dérogé de l'horaire. Toi, Steven, t'as-tu vu... Ouais, ben je vais passer vite sur Climax de Gaspard Noé. Oui. J'ai été voir ça au FNC. C'était ma première expérience au FNC, au cinéma impérial. Et la première chose que je me suis dit en rentrant là, c'est comme, c'est les meilleurs bancs ever. Pourquoi le Fantasia se déroule pas là? Je pourrais dormir là. Ça a pris 1 heure avant que le film commence. Puis j'ai même pas vu l'heure passer tellement j'étais confortable. Best cinéma ever. Ouais, mais t'as peu 2 secondes. Quand ils ont refait les nouveaux bancs, je suis pas allé depuis longtemps au Fantasia, mais quand ils ont refait les nouveaux sièges pendant une couple d'années, c'était pas là le Fantasia justement que ça se passait? C'était pas l'impérial? Ben, une année. Pendant l'année qu'ils ont fait les changements des sièges, ça a été là. Puis j'avais oublié à quel point c'était formidable. C'est formidable. Puis la plastique qui fait très vieux théâtre, c'est tellement cool. Là. L'écran c'est un des plus vieux à Montréal, là, il y a genre 100 quelques années. Ouais, oui. Puis tu sais, avant, je pense que ça se passait tout le temps là, le Fantasia d'un début ou quelque chose de même. Puis, je trouve ça vraiment dommage que ça soit plus le cas. Mais en tout cas, c'est drôle, tu sais, j'étais arrivé là au FNC, première expérience, puis je m'aurais cru au Fantasia parce que fuck, c'était toute la même gang, toutes les mêmes têtes. Hey, salut, les gars d'Horreur Québec, toutes les mêmes chums, Maxime Duguay d'Horreur Web, tout ça, c'était toutes les mêmes personnes. Fait que j'aimais l'ambiance qu'on dirait que c'était un faux Fantasia parce que c'est quand même une programmation quand même différente dans son approche, beaucoup plus film d'auteur puis des gros noms de Cannes. Puis c'est ça, moi j'y allais, j'ai vu un seul film cette année là-bas, puis c'était Climax de Gaspard Noé, grosse attente. Il y en a qui se disent peut-être film d'horreur, ça pourrait-tu rentrer dans un film d'horreur? Moi je l'attendais comme un film d'horreur parce que ça raconte l'histoire d'une troupe de danseurs qui, après leur longue tournée, décident de fêter ça dans une école, dans un gymnase. Fait qu'il y a un DJ, tout le monde, ils s'amusent tous à danser, à avoir du fun. Ils boivent beaucoup de punch, mais il y a quelqu'un qui a mis de quoi dans le punch? Une drogue, quelque chose, on ignore c'est quoi, on ignore c'est qui. Mais au fur et à mesure que ça va aller, les gens boivent beaucoup de punch et des petits détails vont amener de la paranoïa, de la débauche, et ça va virer en une descente aux enfers. Puis quand je dis descente aux enfers, c'est d'un point de vue visuel. À un moment, tu as l'impression d'être en enfer, puis tu as des images creepy qui semblent sortir d'un film d'horreur. Fait que pour moi, ça rentre dans l'horreur. Écoute, je crois que le film offre ce que ça devait être, une expérience. Le scénario est mince, il n'y a pas tant de scénario, c'est ça, je viens de vous le résumer, c'est ça le film. À part ça, c'est que vous devez vous laisser porter par l'imagerie, la mise en scène, puis c'est juste ça, c'est un gros délire visuel. Excusez. Puis les séquences de danse, moi c'est ça que j'avais le plus hâte de voir, surtout la première est fantastique, c'est un espèce de plan séquence, puis là c'est tous les danseurs qui commencent à faire des chorégraphies quasiment improvisées, puis c'est vraiment génial la façon qu'en plus Gaspard Noé shoot ça. Moi je trippais, puis j'étais comme ok, là on est vraiment dans du gros calibre. Et ce qui est drôle, c'est que ensuite au fur et à mesure que le film avançait, puis qu'on arrivait dans le côté débauche, tout ça, j'ai été un peu déçu, et pas parce que le film livre pas la marchandise, c'est que au bout du compte, j'étais plus en terrain connu, alors que la première partie de danse qui sort un peu de ce que j'ai vu de Gaspard Noé, tu sais, des belles chorégraphies, tout ça, j'étais comme ok, non, là, je suis vraiment dans du typique Gaspard Noé, où que tu vois qu'il utilise des ficelles de mise en scène qu'il avait utilisées dans Irréversible, dans le bord, la façon que la caméra virevole avec du rouge. Par moment, tu as un côté plus Enter the Void dans la façon de suivre les personnages. Puis j'avais l'impression que ça tournait en rond, qui offrait rien de forcément nouveau, alors que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus pas forcément original, mais de quoi que j'ai peut-être pas tant vu, parce qu'au début du film, en plus, il y a une espèce d'audition avec tous les danseurs, les personnages, on te présente tous un à un à travers un téléviseur. Puis à côté du téléviseur, t'as des piles de VHS. Puis toutes les VHS, c'est de manière pas subtile pour dire toutes les influences que Gaspard Noé va utiliser pour son film. Fait que t'as Suspiria d'Argento, t'as Possession, le film avec Sam Neill. Puis quand t'écoutes le film, c'est tout là. T'as une séquence d'hystérie avec ce... comment s'appelle la fille qui fait la nouvelle version de la momie, version féminine, c'est Sophia quelque chose, ou Sofa, ou je sais pas trop, mais tu sais, elle a une séquence que c'est vraiment, elle reprend la scène du métro d'hystérie qui était bien populaire de Possession, puis tu sais, tout est là, le délire est là, ça part en dérape, mais j'ai pas été autant bousculé que je m'y attendais, mais... Je pense que c'est une expérience qu'il faut voir sur grand écran. Puis ça, je respecte beaucoup Gaspard Noé. Lui, il n'aime pas ce que le cinéma est en train de devenir, dans le sens que tout sort directement sur Netflix, les gens ne se déplacent plus au cinéma, puis lui, il trouve que c'est ça qui manque, les expériences cinématographiques au cinéma. Puis tu sais, il y a encore quelques réalisateurs qui tentent d'amener ça. Je veux dire, Christopher Nolan se donne à fond pour arriver avec des films comme Dunkirk, où c'est des films que vous devez voir sur grand écran pour vivre l'expérience. Ben, Climax, c'est ça. C'est un film qui est à voir sur grand écran parce que c'est vraiment une expérience. Puis je suis là-dessus, je suis pas déçu. C'est juste, je m'attendais peut-être à ce que ce soit mon highlight de cette année. Puis je trouvais que ça tournait un petit peu trop en rond. T'sais, si vous avez déjà vu la filmographie de Gaspard Noé, vous allez être en terrain connu. Mais ça reste du gros calibre. Il y a vraiment des moments forts. Mais c'est ça en gros. T'sais, c'est quand même solide. Là. Puis c'est pas au FNC aussi qu'il va avoir The House That Jack Built. Oui, lui, il avait passé une semaine avant. Non, la journée d'avant. Dimanche, c'était ça. Puis après, c'était Gaspard Noé. Fait que... mais je l'ai manqué. Mais j'ai entendu des. Écoute, j'ai entendu des avis sur ça, mais ça, c'est tout le temps comme ça avec Lars von Trier. Du monde qui a trippé, d'autres qui n'ont pas trippé pantoute, qui trouvaient que ça allait dans le too much. Là. Fait que, avec Lars, tu peux pas te fier à personne d'autre qu'à toi. Non, t'as pas le choix de l'essayer par toi-même. Là, parce que, tu sais, Nymphomaniac, c'est un film qui avait été so-so par les avis. Puis moi, quand je l'ai vu, j'ai comme adoré la première partie, puis j'ai pas trippé sur la deuxième. Fait que, c'est à vous de voir, là. Bonne nuit, Pascal Cyr. Fais des beaux doudous. Il nous continuera ça en podcast, évidemment. Comme tous ceux qui nous écoutent présentement et qui ne sont pas live. As-tu un autre port Climax? Tu as écouté le premier épisode de la nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix? Tantôt, mais je me disais, tu sais, on a une journée, Mike Flanagan. Ouais, c'est vrai. Qu'on... Oui, touche pas, t'as raison. OK. Alors, au moins, on va pouvoir avoir d'autres épisodes d'ici là. Dans le fond, tu l'as pas écouté. Tu l'as pas écouté. Ah, je l'ai écouté. Quelle série de Mike Flanagan? On en parlera la semaine prochaine. Mais moi, j'ai écouté sur Netflix avec un bon vieux comparse Fred. Cette semaine, on a écouté Hold the Dark, nouveau film de Jérémy Saunier, disponible sur Netflix depuis quelques temps. J'avais rien checké par rapport à Hold the Dark. Je ne savais pas du tout. Je savais que c'était une affaire de loup. Et tout. Parce que je m'étais dit, c'est Jérémy Saunier, puis je vais l'écouter. Fait que même pas besoin de regarder c'est quoi ben annonce. Puis le résumé Netflix ne disait pas grand-chose. Et quelques claques sur la gueule que je me suis mangé. l'histoire, en gros, de Hold the Dark, c'est une femme qui habite d'un vraiment petit village de roulotte en Alaska. Elle, c'est une femme blanche, puis je me demande si c'est la seule blanche, puis les autres, c'est pas toutes des autochtones. Ouais, hein? Puis dans le fond, son fils se fait enlever par des loups, puis c'est comme le troisième enfant qui disparaît, là, enlevé par des loups dans dans ce village-là. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler, elle va écrire à un homme qui a écrit un livre sur. Comment il a réussi à tuer un loup, puis tout ça. Tu sais, le gars, c'est un gros chasseur de loups. Puis elle va lui demander d'aller chasser les loups qui ont tué son fils. Elle dit, vous ne pourrez pas me ramener mon fils, mais au moins, vous pourrez tuer les loups, tout ça. Puis elle, ben son chum est à la guerre, donc il est pas là. Et ça, c'est la prémisse. Après 25 minutes, cette prémisse est terminée. Et le film débarque, s'en va ailleurs. Le film s'en va ailleurs. Puis je ne vous dirai pas où il s'en va, parce que vous devez le voir pour le croire. Oh boy! Ce film-là est un... C'est pas un mindfuck, là, mais c'est Jérémy Saunier tout craché. Ce gars-là est capable de créer... Il prend une scène de tension. Il sait que sa scène va être une scène de tension. Puis il fait... Je vais en tirer le maximum. Et c'est exactement ce qu'il fait. Si on se rappelle de Green Room, à quel point Green Room était un suspense où la tension était à couper au couteau. Même Blue Ruin, il y avait des scènes dans Blue Ruin, parce que c'était comme tabarnouche. Il y a une scène, entre autres, une scène de fusillade. Appelons ça une scène de fusillade dans Hold the Dark, qui est vraiment intense. Et elle met en scène aucun personnage principal ou presque. Et tu es en train de te préoccuper du sort de tout le monde dans cette scène-là. Et peu importe l'événement qui est en train de se passer dans cette scène-là, tu es vraiment au bout de ton siège. C'est vraiment débile. Son imagerie est intense. Le fait que ce soit en Alaska, évidemment, ça rajoute beaucoup avec le fait que c'est presque tout le temps la nuit. Puis quand c'est le jour, c'est rarement un jour joyeux. Soleillé, c'est tout le temps ensoleillé. Un jour gris. Je pense que le seul moment qu'il est vraiment ensoleillé, c'est sa fusillade. puis ça permet de tout bien voir. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être des problèmes avec la luminosité de ma télé, par contre, parce que j'ai manqué certains moments, malheureusement. Waouh, c'était vraiment débile. J'ai adoré. Par contre, à la fin, il a fallu que j'aille voir sur YouTube des vidéos d'explication. Parce que vraiment, là, c'est un film qu'à la fin, tu fais comme j'ai compris l'histoire, mais clairement, il y a des choses que j'ai pas compris. il y a beaucoup de symbolisme, et il y a des choses que quand tu te le fais dire, tu fais comme ah, ben oui, c'était évident. Il avait dit ça à un moment dans le film, puis ça semblait anodin. Non, non, c'était pas anodin, man. Ça voulait dire quelque chose. Il y a toute une couche du scénario que tu peux manquer si tu fais juste écouter le film au premier degré. Puis c'est drôle parce qu'il y a certaines couches de scénario que j'ai manquées parce que ma luminosité d'écran était mal ajustée. vraiment, puis là, je suis en train de me poser des questions sur ma télé parce que j'ai commencé un autre film, puis j'ai fait comme, il me semble que c'est trop sombre ça aussi. Il faut que je check. Mais honnêtement, wow! Il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu long. Parce que oui, c'est comme année, tu sais plus quand est-ce que ça va finir, cette histoire-là. Notre personnage principal, qui est le chasseur de loups, il est comme porté de force dans cette histoire-là qui ne le concerne pas. Puis qui est comme obligé de suivre toutes ces péripéties-là. Mais wow! Je sais pas comment en dire plus pour pas trop dévoiler de punch, sinon que c'est un film à voir. Puis ça ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Ça ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Côté scénario, côté scénarisation, côté réalisation. Vraiment. Toi, Steven, tu l'as vu récemment ou tu l'avais vu Ouais, récemment, mais c'est ça, on est supposé enregistrer dessus, là, c'est juste ça brette un peu, fait que je sais pas encore quand, fait que j'ose comme pas trop rien dire, fait que Marc-Antoine n'est pas là, go! Marc-Antoine écoute les épisodes, ça j'en ai pas. Il dira pas l'écouter. Vas-y en surface. J'ai aimé ça, mais avec des lacunes. Avec des lacunes? Pour moi, il y a des lacunes. Ta TV était mal éclairée? Non, je trouve qu'il y a des lacunes. je trouve qu'il y a des lacunes niveau scénario. Ah ouais, ok, j'ai hâte d'écouter votre épisode. Parce que je sais que vous avez une section spoiler, c'est plus facile d'en jaser. Surtout celui-là. Oui, mais ça reste que je préfère quand même Green Room. Green Room reste son plus solide. Mais vraiment, j'ai été très, très heureux de ce film-là. C'est ça. Si vous n'aimez pas les films qui vous perdent parce qu'ils sont trop complexes, vous allez peut-être être déçu. Parce que, c'est sûr, mettons qu'il y a certains moments que vous ne comprendrez pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer avec certains personnages, la façon qu'ils agissent. À peine. Mais c'est tiré d'un livre et ça paraît. Ouais. Parce que tu fais comme... Il y a certains moments dans le livre qui devaient être vraiment plus faciles à saisir qu'en image. C'est un astuce de défi. Il a pris un Christy de gros contrat avec ce film-là. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, ben j'ai enfin vu Terrified. Terrifier. C'est le film que j'ai vu avant Hell House LLC. C'est lui qui a mis la table à avoir autant peur pendant Hell House LLC. T'as mis le doigt dessus, Steven. Terrified, c'est un roller coaster. C'est une montagne russe. Le film te fait embarquer puis te lâche plus jusqu'à la fin. Sauf que comme une montagne russe, quand tu finis la montagne russe, tu sors, tu fais comme « Ah yes, c'était malade! » Mais t'as plus peur de la montagne russe. Puis ça a fait ça avec Terrified. Moi, j'étais allé me coucher puis j'avais encore des frissons qui m'ont jamais quitté. Jamais. Okay. Mais en même temps, moi, regarde, j'ai écouté Hell House LLC après. Là. Fait que là, je sais plus c'était quoi. J'avais peur de quoi, j'avais juste peur. Terrified, on a jasé un peu en privé, Steven. Il y a des scènes là-dedans qui étaient sorties tout droit de mes cauchemars. Des trucs que je m'imagine pour me faire peur, ben, ils sont là dans ce film-là. les deux premières minutes, il se passe déjà des choses entre un couple qui sont en train de se parler des voix qui disent des choses, puis t'es comme, ben, regarde, on spoilera pas, on va spoiler les deux premières minutes, on s'en fout. Où la femme dit, j'ai entendu des voix aujourd'hui qui venaient du lavabo. Il fait, ah, ouais, OK. Puis qu'est-ce qu'ils disaient, les voix? On va te tuer. C'est comme, ben, tabarnak, OK. le film vient de commencer, il fait deux minutes. on est déjà dedans. C'est pas genre, voici la petite famille, blablabla, tout va bien. Non, non, non. Deux minutes, si la femme a déjà entendu des voix, ils vont en tuer. C'est pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est Terrified, même si ça fait une couple de fois qu'on en parle. Il se passe des trucs surnaturels assez étranges dans un quartier. Un homme est faussement accusé du meurtre de sa femme. Puis il y a des inspecteurs paranormaux qui décident on va trouver les causes paranormales puis réussir à prouver un peu ton innocence. Je résume en gros, gros, gros. Donc, le film n'est qu'un prétexte à des gens qui cherchent des éléments paranormaux, donc qui ne fuiront aucun élément paranormal. Donc, le film va juste les picher dans la face. puis c'est débile. Le réalisateur maîtrise toutes ses scènes d'horreur. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est pas genre, il y en a d'autres moins bonnes. Non, sont toutes sa coche. Le gars, il sait ce qu'il veut, puis il sait comment te faire peur, puis il te balance tout avec une efficacité redoutable. Là. C'est fou. Vraiment, puis contrairement, admettons, à, tu vas écouter un slasher, Jean Freddy, ou peu importe, Conjuring, whatever, il y a un élément qui fait peur. Genre, il y a un fantôme qui fait peur, il y a une créature qui fait peur, il y a un vampire qui fait peur. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'éléments différents. La variété. La variété. Fait qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, que peut-être que tu vas faire comme, ouais, ça, c'est pas trop creepy. Mais il y en a d'autres que tu vas faire comme, tabarnak, ça, c'était... Mais je les ai tous trouvés vraiment, comme tu l'as dit, vraiment efficaces, là. J'essaie de parler sans trop dévoiler. Il va vous donner une raison pour laquelle quand vous étiez petit, puis que vous pensiez qu'il y avait des monstres en dessous du lit, puis que vous regardiez, il n'y en avait pas. Et ça, je trouve ça génial. L'idée est vraiment géniale. L'idée est débile. Puis c'est drôle parce que le film, j'étais tellement dedans, il y a une séquence dans le film que je ne vais pas dévoiler, mais que clairement, la séquence amenait à un jump scare. Tantôt, on parlait un peu des jump scares. Ouais. Oh, on sait quand tu vas avoir la porte, on sait quand il va y avoir nanana. Puis là, cette séquence est en train de se produire. Puis j'étais comme, c'est bien débile. C'est complètement fucked up. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est ce que. Tu sais, là. j'ai comme mon cerveau a réalisé, oh, si je vais en faire embarquer sur un jump scare, POM! Ça fait ça au Fantasia. Tout le monde a eu la même réaction. Tout le monde dirait que ça a comme fait. Je pense que ça va. On parle de la séquence de la fenêtre. Moi, je l'ai dit, puis je l'ai répété, puis je reste fort sur mon point. Moi, c'est le meilleur roller coaster que j'ai eu cette année. C'est un des films qui m'a le plus effrayé dans les dernières années. Je l'ai hypé. Il y a du monde qui va être déçu, c'est sûr. On peut pas satisfaire tout le monde avec un hype. Tu sais, je veux dire, tu regardes. Hereditary, même s'il faut la hype, il y en a plein qui disent ben, je comprends pas, vous êtes dans le champ, mais c'est sûr qu'on a toutes des peurs différentes, des attentes différentes. Puis moi, quand j'ai été voir ce film-là, aucune bande-annonce, aucun synopsis, aucun hype. J'arrive là, les cinq premières minutes m'ont jeté sur le cul. J'étais comme OK, vraiment? Je suis en face de quelque chose. Puis écoute, moi, c'est vraiment de la bombe. Ce que j'aime dans le cinéma d'horreur, quand c'est le temps de m'effrayer, ça, c'est ça dans ce film-là. Puis c'est généreux, c'est crissement généreux. Puis rendu là, ben, c'est à voir si vous êtes réceptif ou pas. Là. Vous allez. Le défaut que je pense que les gens vont facilement ressortir de ce film-là, c'est que son scénario est très, très mince. Puis ses personnages sont très. C'est un fil conducteur classique. Oui. Je veux dire, on l'a vu mille fois, c'est juste que le réalisateur compense avec des idées originales, puis une mise en scène, puis une ambiance lugubre. Fait, tout... Puis ses personnages sont vraiment très, très anecdotiques aussi. Il y a un personnage qui est comme le leader de tout ça. Puis il y a une phrase dans le film, puis je pense que ça aussi, c'est ce qui est efficace dans ce film-là. C'est qu'ils disent la peur est contagieuse. Et. Je pense que le réalisateur a compris ça parce que ce qu'il a fait, c'est que tu as les enquêteurs du paranormal et tu as une autre personne. qui est la personne qui a peur. Et elle nous communique énormément sa peur. On vit tous les éléments de peur à travers ses yeux à elle, à cette personne-là. Et c'est ça, je pense, qui rend tout ça efficace. Ouais. Puis c'est drôle parce que même dans ces scènes un peu lentes, on pensera à une scène autour d'une table à dîner avec un invité un peu irrégulier. Parce que c'est du blabla. Mais tu sais, tu fais comme... Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on est en train de faire une... Tu fixes l'image parce que tu fais comme... Je suis en train d'assister à une discussion entre deux personnes, mais je suis sûr et certain qu'il est en train de se produire quelque chose en arrière-plan présentement. C'est débile, c'est débile. Le réalisateur l'a. C'est disponible sur Shudder, donc vous ne pouvez pas ne pas l'écouter. Surtout avec le truc... Un heure et vingt, ça passe comme une lettre à la poste. Fait que mettez-vous dans l'ambiance. Dans le noir, c'est le soir. J'ai mon collègue de science. Fermez votre cellulaire, puis allez pas sur Facebook. Faites juste rentrer dans le film, puis j'ai mon collègue de sciences de minuit, Jean-François Ouellet, que lui, il a eu la brillante idée de prendre des headphones. Fait qu'il s'est mis des casques d'écouteurs de grosse qualité pour écouter ça. Puis après 15 minutes, il a comme fait, je vais aller m'ouvrir une bouteille de vin, prendre une petite pause. Il revient. Après une demi-heure, il a comme fait, je vais ouvrir une lumière. Je suis plus bien, là. je le crois. Puis moi, pendant mon film... J'ai ma sécheuse qui roulait, mais ma sécheuse est quand même sourde en arrière-plan, sauf que quand elle roule, ça fait un peu des craquements. Clac. Et ouais, des petits clac, clac, clac, clac. Mais elle a comme un cycle où, ce qu'à un moment donné, elle arrête, elle se repose, elle laisse la chaleur diminuer. Puis si c'est encore humide, elle détecte l'humidité. Puis si c'est encore humide, elle va redécoller un peu. Fait que là, des fois, elle pouvait être arrêté pendant 15-20 minutes, puis à un moment donné, j'entendais... Hein? Oh, c'est assez chou. En tout cas, ce soir-là, tout était là pour me faire la chienne de ma vie. C'était vraiment efficace. Mais c'est ça. Puis Shudder, pour ceux qui ne le savent pas, merci Québec Poutine 99 de nous suivre sur Twitch. Bienvenue parmi nous. Et donc, pour ceux qui savent pas, Shudder, c'est le Netflix des films d'horreur, 5$ par mois. Donc, on serait vraiment niaiseux de s'en passer. Mais ce qui est le fun, c'est que Shudder veulent vous avoir. Donc, ils vont vous donner un 7 jours gratis pour que vous l'essayiez. Mais ce que vous pouvez faire, allez vous abonner, prenez votre 7 jours gratis, puis désabonnez-vous tout de suite. Là, Shudder va dire, es-tu certain que tu veux te désabonner? Oui. On t'offre un mois gratuit. Est-ce que tu restes? OK, oui. Et là, vous avez votre mois gratuit pour le restant du mois d'octobre. Hey, c'est pas vrai. Ouais, c'est vraiment débile. Puis, je me souviens de... Je ne sais pas s'ils font ça encore. Mais après ça, vous vous désabonnerez encore. Mais au complet. Une semaine ou deux plus tard, Shudder va vous envoyer un petit courriel pour vous dire « Hey, ça te tente-tu d'en venir? On va te donner quelque chose, un pourcentage de rabais ou un autre mois gratis. » Fait que faites ça. Puis après ça, ben, vous allez juste vous dire « Ah, Shudder, c'est cool, puis pour 5$ par mois, j'en ai... » C'est ça, je me dis maintenant, je ne cherche plus à avoir des mois gratuits, à 5$ par mois. Mais quelqu'un qui voudrait juste avoir son mois d'octobre gratuit puis écouter un peu de ce qu'on va jaser, ben c'est parfait. Ouais, c'est parfait parce que présentement sur Shudder, il y a aussi... pas juste... il y a les Hell House LLC aussi, c'est là que... Il y a plein de stocks, c'est fou, là. Ouais. Pour les 31 jours d'horreur, c'est parfait. Puis, Terrified, juste pour ça, 5$, c'est une location de film. C'est moins cher que de louer un film sur Illico. Fait que, on s'entend-tu? C'est ridicule de s'en passer. Sinon, est-ce que j'ai écouté autre chose qui est digne de mention? Je crois que c'est tout, les amis. Steven, toi, de ton côté? Ça résume assez bien... C'est arrivé, les autres choses n'ont pas vraiment de lien avec l'horreur. Fait que, j'ai écouté quelque chose. C'est drôle parce que j'en parlais avec Steven et ton collègue Marc-Antoine La Bonté de Sciences de minuit. Puis je disais, je suis en train d'écouter quelque chose pas pire sur Netflix. Puis finalement, j'étais peut-être juste trop dedans. Là, parce que ça valait pas tant la peine que ça. C'était Malevolent en anglais. Ouais. C'est ça, Malevolent. Qui est une histoire de chasseur de fantômes qui fake des euh, qui fake d'être des chasseurs de fantômes, mais évidemment, ils vont tomber dans une maison hantée pour de vrai. Ça me fait penser à The Last Exorcist. Tu sais, le gars qui fait semblant d'orchestrer des vrais exorcistes, puis finalement, il en tombe sur un vrai. Là. Ouais. Là-dedans, en tout cas, la switch, la twist que j'avais trouvé original au début, c'est que lui, il utilise sa sœur en disant aux gens, « Ah, ben ma sœur parle aux fantômes. » Puis dans le fond, elle a fait semblant de faire de guider les fantômes vers la lumière, mais tout de suite, au début, après 5 minutes, elle voit un fantôme. Mais ils font comme s'en aller de cette maison-là, puis son frère fait comme, « Yeah, on a fait encore du cash. » Mais elle est comme, « Simonac, j'ai vu un fantôme. » Fait que lui, quand il reçoit un autre corps, elle fait comme, « Non, je veux pas y aller à celui-là, je veux pas faire semblant, parce que elle se dit carrément, je peux plus faire semblant, moi, là, parce que je les vois pour vrai. » Fait qu'en tout cas, il y a comme cette twist-là que j'ai trouvé ça le fun, tu sais, que finalement, lui, il veut faire semblant, mais qu'il y a des vrais fantômes. Il y avait une couple d'imagerie qui était solide, et je pense que certains trucs qui ont fonctionné, parce que, bon, TV était trop sombre. Sérieux, vraiment, il y avait des bouts. C'est peut-être l'affaire calibrée. Hein, c'est comme. Ah oui, c'est... Puis j'étais vraiment comme. Hey, y a-t-il quelque chose de caché dans l'ombre? Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une TV comme fou, il était juste comme. Ah, j'ai vu, c'est correct. Mais... C'est pas freakant. Je veux pas embarquer dans la série de Mike Flanagan, mais t'avais-tu lu la nouvelle comme quoi que dans chaque épisode, il y a des fantômes cachés? Ah ouais? Ouais, que derrière le décor, que tu vas peut-être pas remarquer la première fois, mais tu vas réécouter la série, puis ils vont être là. Un peu comme qu'est-ce que Jeff disait dans le film Ghost... Ghost Watch. Ah ouais. Ah, fait que c'est ça, Chris Mahot. Ah, ça, j'aime ça. Puis tu vois, ça aussi, pour dire, je l'ai commencé hier, puis je pense que là, c'est définitif, ma TV, il faut que je la fasse checker. Parce qu'il y a vraiment des séquences que la musique montait, puis j'étais comme... je sais pas. Ok, ouais. Ouais, non, fait que là, il y a de quoi. J'espère juste que faut juste que je la fasse ajuster. Sur ça, ben là, c'est 31 jours d'horreur qui. Ben, je peux-tu juste rajouter quelque chose? Parce que j'ai pas écouté de film au complet, mais j'en ai écouté un pendant une heure à peu près, puis j'ai abandonné. puis je vais décevoir Steven. Parce que la semaine passée, j'avais mentionné vite de même que j'avais écouté 15 premières minutes de Satan's Slaves. Ouais. J'avais pas aimé ça. Puis là, cette fois-là, je me suis dit, OK, je vais le réécouter. Puis là, j'étais dans le bon mood. J'ai dit, je vais essayer de donner une autre chance. Puis tout. Puis je voulais pas détester ça. Je voulais. Tu sais, je me suis dit, je vais essayer d'embarquer dedans. Mais. Puis là, au bout d'une heure, j'embarquais toujours pas. Puis je vais en parler dans 2 secondes de ce que j'aimais pas. Mais au bout d'une heure, ma blonde, elle va se coucher. Puis là, je vais la voir 2 secondes. Tu sais, je vais lui dire bonne nuit, donner un bec. Puis tout. Puis je suis dans le lit, je suis couché. Puis je suis comme. Hey, ça me tente pas de retourner devant mon film, moi. Il me reste 40 minutes, puis ça me tente pas de le finir. Fait que finalement, j'étais allé fermer la TV, puis je suis allé lire dans mon lit, puis je me suis couché, j'ai fait... Non, je le finirai pas, ce film-là, ça me tente pas en tout. J'ai vraiment aucune envie de connaître la fin. C'est bourré de clichés de films d'horreur. Ce qui fonctionne le plus, ce qui est le plus épeurant dans ce film-là, c'est la musique. C'est le compositeur. Ben, c'est pas épeurant, mais je veux dire, ce qui crée les moments stressants, c'est la musique, parce qu'elle est omniprésente, puis elle est vraiment trop présente, là. Elle est vraiment tout le temps là, la grosse musique, bang, bang, bang, bang, pour te faire peur, tu sais. Puis l'imagerie est tirée des films de style The Ring et tout ça, tu sais, c'est de la vieille imagerie épeurante de 15-20 ans. J'aime pas vraiment l'acting, je trouve que les... Je sais pas, il y a plein de choses qui me gossaient. J'étais comme, pourquoi vous restez dans cette vieille maison creepy-là qui est vraiment trop creepy pour rien, puis qui... C'est ça, vous avez juste à sortir de là, puis arrêter de... On dirait qu'ils font pas exprès pour avoir se faire des peurs. La mère est morte, la vieille madame est morte, puis il y a encore des photos d'elle partout, puis tu sais bien que ça va faire peur aux enfants, ça va faire peur à tout le monde. C'est la nuit, quand ils vont se réveiller, de voir une photo d'elle, ou de voir, en tout cas... Il y a plein de choses qui me gossaient, puis je tripais pas, puis j'ai fait « Ah, je m'en calisse du film, je veux pas le finir. » Fait que ça a fait ça. Steven, t'es triste? Ben non, c'est correct. Jeff, il a pas aimé, je peux pas. Écoute, on va faire un 2-3, là, je l'écouterai cette semaine, puis on en reparlera au prochain podcast. Ça m'étonne qu'il l'ait pas aimé à ce point-là. Mais il n'y a rien. Je sais pas, c'était juste tout le temps des... Bon, c'est sûr que si tu l'as écouté d'une 15 minutes, tu l'as arrêté, puis après ça, tu l'as recontinué. Non, je ne l'ai pas continué, je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé, OK. Oh, oui. J'ai réécouté 15 premières minutes. C'est pas parce que Vicky avait dit, Vicky l'a dit ici la semaine passée, elle a dit les 15 premières minutes m'ont fait peur. J'ai fait OK, je vais réessayer, puis non, mais. Mais tu sais, je l'avais dit, c'est pas un film qui révolutionne rien, c'est du Conjuring, là. C'est le gars, la mise en scène, la mise en scène à James Wan, là. Ouais, non, mais je sais pas, Conjuring, il repose pas juste sur la musique pour te faire peur, tu sais, c'est comme... non, il fait la même chose que Conjuring dans celle-là. Il utilise, dans Conjuring, la musique est très présente, une musique creepy, puis qu'est-ce qui accompagne la musique qui est supposée te faire peur, c'est que t'as une image qui vient avec de quoi de creepy. C'est pas juste de mettre un son, puis tu fais le son à cause du son, mais il y a rien. Mais tu sais, quand j'ai arrêté, dans le bout de ce que j'ai arrêté, la femme, elle priait, puis elle se cache sous un drap parce qu'elle a vu quelque chose devant elle, puis là, t'as le drap qui se met à bouger, puis là, t'as des mains, des grands ongles qui arrivent, puis tout, puis c'est comme... C'est pareil comme dans des films comme The Ring ou The Grudge. Il y a rien d'original, puis c'est pas si effrayant que ça. Tu sais, c'est joué super gros, puis les fantômes n'arrêtent pas de crier, puis de faire des grimaces, puis c'est comme... Ah, c'est... Non, je sais pas. Ça me vient pas me chercher. Bah, moi, la scène du cadre est crissement bonne, là. Je sais pas. J'ai vraiment hâte. C'est correct que Jeff a fait baisser mes attentes. C'est pas là, finalement, ça va être efficace. C'est pas compliqué. Quand c'est pas américain, JF accroche pas. Non, c'est pas vrai. C'est non, mais je sais. Non, mais je fais mon meilleur qu'il pas. Je sais que ça fait un peu ça des fois. T'sais. Je sais pas. J'ai peut-être un problème avec ce genre de cinéma-là. Non, c'est pas les sous-titres. C'est vraiment le jeu. J'aime pas le jeu de cette. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un des points forts de ce film-là, c'est un des points forts aussi de Conjuring, la petite famille, je l'ai trouvé vraiment attachante, j'aimais les personnages, le petit gars, il est full cute, est-ce que je l'aime, le petit gars? Le petit gars, il est cute, ça j'avoue, ouais. C'est un des points forts, le petit gars. OK, dans le fond, Vicky, la semaine passée, a fait en sorte que JF a réécouté les 15 premières minutes, puis il s'en dit jusqu'à une heure. Moi, la semaine prochaine, j'en reparlerai. Puis là, JF va faire comme, ben, coudonc, c'est bon, finir. Si j'ai écouté, alors... LLC 2, puis j'ai réussi à le finir. Ouais, ça, c'est un peu insultant, je dois dire. Ben, écoute, Jeff, tout ce que j'ai à dire, c'est va écouter Terrified, puis oui. Si ça aussi, ça fonctionne pas, ben écoute, sérieux, je peux plus rien pour toi. Je te conseille plus rien. Je suis immunisé avec les films d'horreur. Immunisé avec ce que tu veux. Lui. Ouais, vas-y avec ce que tu veux. Ah, non, mais c'était pas une semaine où j'étais. Tu sais, il y avait des journées que j'étais vraiment moissade. Puis tout. Mais cette fois-là, j'essayais vraiment. Je me suis dit, OK, je suis de bonne. Je suis dans un bon état d'esprit. Ah, j'ai envie de. Oh, oui, c'est ça. Ouais. C'est correct, ça arrive, on peut pas tout le temps... Mais le lit était plus attirant. J'étais dans le lit, puis j'étais comme, j'ai pas envie de retourner devant la TV. J'ai pas envie de finir le film. En tout cas, c'est tout. Ben, en tout cas, j'ai... Ben, écoute, j'ai encore plus hâte de le voir. là, on check un peu, ouais, qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain épisode. Aujourd'hui, ben, c'est du Dario Argento, donc après le podcast, c'est ce qu'on s'en va écouter, logiquement. Demain, ça va être Mick Garris. Mm-hmm. Nice. Ouais, j'ai vraiment hâte parce que. C'est plate parce que. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est une des plus belles pochettes que Scream Factory ont faites depuis longtemps. Parce que je trouve que ça tourne en rond. Mais celle-là, là, allez voir la pochette pour les somnambules, Sleepwalker. Ils font une nouvelle édition. Elle est écœurante, la pochette. Ça me donne envie de la revoir. Puis je pense que j'aurais écouté celle-là pour les 31 jours. Je suis déçu. Ben, moi, j'ai hâte de voir Riding the Bullet. Ouais, c'est son meilleur. Puis Mick Garris, si vous voulez un autre podcast d'horreur, mais qui parle pas nécessairement de films, Mick Garris est quelqu'un de crissement plugué dans le monde de l'horreur. C'est lui qui a créé la série Masters of Horror. Donc, puis je pense qu'il a fait Fear Itself aussi. Il y a un podcast qui s'appelle Shit. Ah, Callis. C'est pas le nom de son podcast. Je suis là, puis je veux savoir. Comment tu peux? Post-mortem with Mick Garris. Il reçoit des réalisateurs de films et des acteurs en entrevue. J'écoutais Jeffrey Combe tantôt en allant faire mon épicerie. J'écoutais un épisode où c'est Joe Dante et John Landis qui parlent. Dernièrement, il a enregistré un épisode avec John Carpenter. C'est gros. Là. Ce gars-là il est tellement un des meilleurs intervieweurs que j'ai entendu, la façon qu'il parle, il est tellement à l'aise, puis la façon qu'il arrive à mettre à l'aise tous les réalisateurs et ses invités. Puis tu sais, oui, ils se connaissent dans l'industrie, mais La façon que ça se discute, c'est tellement fluide, naturel, il n'y a jamais de focage, là, c'est tout le temps intéressant. Puis tu sais, c'est des petits épisodes de quoi, 1 heure? Ça passe fucking vite, là, puis c'est tout le temps intéressant. Ah, petite parenthèse de rien du tout, ouais. Là. Tu t'as parlé de Jeffrey Combs, puis c'est vraiment une parenthèse qui n'a pas rapport à ce que tu disais, mais... Non, mais je sais pas, mais c'est parce que j'écoute des Star Trek, puis j'écoute les séries Star Trek dans l'ordre, puis je suis dans Deep Space Nine, puis Voyager. Puis Jeffrey Combs a fait partie de Deep Space Nine pendant plusieurs Ouais. saisons, il a fait plusieurs personnages, puis à chaque fois qu'il arrive sur l'écran, je suis comme, oh yeah, ça va être trippant. Il est tellement drôle, puis le fun, puis sympathique, puis il est tellement bon acteur, puis c'est ça, c'est Il tout. en parle, dans son épisode de Post-Mortem. Ok, ça Ouais, m'intéresse. il dit que c'est vraiment difficile de tourner dans Deep Space Nine parce qu'il dit, t'as reçu un texte, puis il dit, tu sais même pas de quoi tu vas avoir de l'air. Si t'arrives, tu te fais make-upper, puis Ah c'est comme, oui. OK, go, t'es un extraterrestre, t'en vas sur le plateau. Ah oui, OK. il est toujours sur une tonne de maquillage. Puis, il a fait plusieurs personnages différents, mais il est tout le temps le fun. Puis c'est Jeffrey Combs. Moi, je l'adore. J'adore ce gars-là. Ouais, Mais puis. c'était un bout de sa carrière qui me manquait, ça, parce que j'avais pas suivi la série à l'époque. Puis j'avais vu juste ses films. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il a fait durant cette période-là, tu sais, entre, mettons, le deuxième réanimateur puis le troisième. Il y a comme une période de temps où je ne l'ai pas vraiment revu, à part peut-être de Frighteners, je ne l'ai pas revu vraiment. T'sais, c'est comme... Mais il jouait dans Deep Space Nine puis il était très Tu l'as-tu présent. écouté? Tu l'as-tu écouté l'épisode de Master of War Non. sur Edgar Allan Poe de la 4? Il était Non, écœurant mais je l'ai là-dedans. vu sur scène quand il est venu à Fantasia, Ah, là, 7-8 ans, qu'il a fait sa pièce de théâtre ok. Nevermore, voyons, mise en scène par le réalisateur Oui, de par. Ouais. Réanimateur. Ouais. Voyons. Stuart Gordon. Ouais. Stuart Gordon, merci. J'ai été voir Réanimateur à minuit le soir un samedi, puis ils étaient tous les deux là. Puis le scénariste aussi était là. Puis j'ai été voir la pièce de théâtre. Puis il était génial ça, dans la pièce, là, il était Ouais. extraordinaire. Ben, c'est ça, dans l'épisode avec Mick Garris, il parle de ses études en théâtre, puis que c'était de là qu'il avait commencé. Mais c'est ça, puis Mick Garris, sympathique comme monsieur, je l'avais demandé en entrevue, puis il a pris la peine de me répondre, puis il a pris la peine de nous dire que nos sélections pour les 31 jours, c'est intéressant, puis tout ça. Vraiment, vraiment sympathique, le monsieur. Suivez-le sur Facebook, en plus, il répond aux fans qui commentent, vraiment, t'sais, il est super fin. Il est engagé en plus, il pose des affaires vraiment intéressantes. Ensuite, ça va être Shinya Tsukamoto, qui a fait entre autres Hiroko de Goblin et Tetsuo de Iron Man. On va avoir Mike Flanagan, Haunting of Hill House, Before I Wake, Oculus, Absentia, Hush, Jesse. Ah, regarde. Sa femme là. Ouais. Sa femme, là. J'ai un fucking crush, là. Je l'ai rencontré en vrai. Elle était fantastique. Mais là, dans le premier épisode de la série, là. Waouh! J'adore cette actrice-là. Faut la voir plus. On va avoir Kiyoshi Kurosawa. C'est la semaine des Sud-Japonais tous les deux. Là, j'ose plus rien dire. Là, celui-là, tu viens de nommer, c'est le réalisateur de Pulse, c'est The ça? Pulse et Cure, ouais. Ouais. Puis, Tetsuo aussi, c'était japonais? Ok. On va avoir Panos Cosmatos, Beyond the Black Rainbow et Mandy. Et attends un peu, je suis en train d'en nommer trop. C'est pas la semaine prochaine, ça c'est l'autre. C'était pas en dernier, Non, non, Cosmatos? non, non. On jette la ligne. Après ça, on va avoir Yome Balagueño, Yo, mais dans la Rec, mer. Sleep Tight, Le Nameless qu'on avait The Nameless. parlé. Ouais. Et dimanche prochain, c'est David Cronenberg. Et là, ben regardez, là. The Fly, Dead Zone, c'est Rabbit. Rabid, Vidéodrome. Vidéodrome, Tron. merci. De Naked Lunch. Ouais, alors, Trop ça, oui, alors, ça va être une belle semaine, vraiment. Encore dans la diversité. Pas de femmes cette semaine, je non, c'est pense. assez, En tout cas. on a fini. Non, non, Non, ce gars-là, mais on c'est se plaint assez. pas de la Non, présence des femmes. non. On se plaint, mettons, d'une réalisatrice qui a juste pas rien à nous offrir dans le fond. Non, À part non, Tango. l'autre semaine, on va avoir Jackie Kong. On Ça va avoir oui, c'est Jackie. du solide, ça. Ouais, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, encore une excellente semaine. Invitation pour l'épisode sérieux, GF. Il Il est encore sur Netflix, ouais. si je ne me trompe pas, là, puis je suis persuadé que tu vas aimer. Puis je l'ai dit souvent, puis c'est arrivé que tu sois déçu, mais celle-là, je suis vraiment persuadé que tu vas l'aimer. OK, invitation. Ouais, The Invitation. Il peut pas aimer ça, là. J'ai de la misère à le croire. Mais ça, c'était, mais c'est pas. Ça, c'est pas asiatique. Je pensais que t'allais dire ça. C'est pas asiatique. C'est pas Jackie Kong, là. C'est Karen Kusama. Karen Kusama, on a déjà parlé. Ah, tu m'avais fait mélanger, là. Ouais. Non, non, Jackie Kong, c'est Blood Diner, t'as Blood Diner, ouais, c'est ça. Puis. The Being. Ouais. Je vous conseille peut-être plus Blood Diner. Je dis ça de même, ouais. Là, si, ouais. Jamais vous... si jamais vous écoutez un film. Ouais, écoute. Puis. Ben, sinon, ben. Abonnez-vous à Shudder, abonnez-vous à Netflix, Tubi TV, Frisson TV. Le mois d'octobre est débile. Puis en plus, cette semaine, le remake, ben pas le remake, mais la suite de Halloween, Qui sort. C'est. Oui, puis ben là, je sais pas pour les critiques. T'as pas les critiques de. Oui, c'est ça, les critiques de Goosebumps 2, qu'est-ce que ça dit? J'ai si pas. Vous allez voir un film d'horreur en famille, je pense qu'au cinéma, ça va être ça. Ça va être fun. Sérieux, moi, je suis vendu pour passer du bon temps. C'est une question de trouver du temps pour y aller. Ah, oui. Puis d'avoir des enfants assez vieux quand même pour ça, parce que bon, allez pas voir ça avec votre enfant de 3 ans, mais c'est peut-être quand même des cauchemars. il va se demander c'est quoi un loup-garou. Puis ben, sur ça, Steven. Oui. Bye-bye. Bye-bye. Jeff, on se laisse avec quelle chanson? Ah, c'était le titre, je m'en souviens pas, mais c'était la tune de Billie Holiday que Guillaume nous a proposé. Oui, voyons, c'est Bloody Sunday. Oui, je pense que oui. Bloody Sunday, cool, excellente chanson. C'est un peu déprimant, tu vas peut-être avoir peur. Puis, Jeff, bye-bye. Bye-bye. Tout le monde qui nous écoute, bye-bye. Et n'oubliez pas de garder ça le fun. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Shadows, I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, in the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you.